écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Une autre chose qui pourrait bien réveiller le matin. Oh, une liste de choses à faire. Ah non, ça me stresse encore plus quand je sais que j'ai trop d'affaires à faire. Ça fait comme une montagne de choses. Fait qu'à la place, on va y aller avec du facile. Ah, OK. Voici son foutu palmarès. Ah, oui. C'est son foutu palmarès, c'est la chronique facile d'assemblage requis où on se fait une liste de quelque chose de vraiment anodin qui sert absolument à rien, mais bon. Mais qui est intéressante. C'est intéressant quand même, comme là, c'est le top des choses qu'on pense être mauvaises pour nous autres, mais qui peuvent être bonnes, finalement. Ah, oh. C'est pas pire, hein? Pis c'est quoi la première, mettons? Mettons. La crème glacée. Ah, je pensais que c'était la photo. La photo? Les filles qui lichent des boules? Oui. De crème glacée. Donc, la crème glacée, on pourrait penser que c'est trop sucré, ça va nous faire prendre du poids, évidemment. Mais il y a quand même beaucoup de calcium dedans, ce qui est nécessaire pour avoir des bons os. Hein? Aussi, ça te remplit, ça te satisfait, ce qui va pouvoir peut-être t'empêcher de manger d'autres mauvaises nourritures autour. Donc, évidemment, il faut y aller avec modération. Une boule à la fois, peut-être. Ouais, peut-être y aller avec de la moins sucrée. Là. T'sais, peut-être pas l'extra pâte de biscuits. Tellement bonne. Non, c'est d'y aller une boule à la fois, puis y aller avec des saveurs comme vraiment douces, comme mamelon d'eau. Mamelon d'eau, oui! Mamelon d'eau. Oui, banana split. Facile. Pas pire, ça. Ouais, t'es facile. Banana slot. Banana slot. OK. Ensuite, les jeux vidéo. Oui, ben tu sais, évidemment, les jeux vidéo se font blâmer pour pas qu'à l'affaire, la violence, le comportement des enfants. Pas sortir dehors. Ben ça, c'est vrai. Oui. Mais les chercheurs ont quand même découvert que jouer à des jeux vidéo avec modération, ça peut avoir quelques avantages. Ça peut nous aider à améliorer la coordination entre les mains et les yeux. OK. Ta vision va s'améliorer, nous dit-on. La vitesse d'apprentissage. Être au courant de ton environnement, en fond, le spatial awareness, savoir à quelle distance sont les choses, le focus du mental et l'habilité pour estimer des choses. Okay. Estimer des chiffres, Et des lettres. Et des consonnes. Je sais pas, tu mettons, savoir combien de balles il reste dans ton gun, mettons, dans le jeu, va peut-être pouvoir t'aider dans ta vraie vie. Ensuite, la saleté. Une chose qu'on pense qui est mauvaise, mais qui, dans le fond, peut être bonne. Les chercheurs croient que les enfants qui sont exposés à des microbes à un très jeune âge ont moins de chances de développer des allergies plus tard. Ça peut améliorer ton système immunitaire. Mais on demande évidemment de te laver les mains quand même assez souvent pour ne pas attraper des maladies. Quand même. Oui, mais quand même. Ça, c'est ça. Ça ne tuera pas personne, comme on dit. On m'avait compté ça avec le Purel. Parce qu'il y en a qui surabusent du Purel. Surabusent, c'est quand tu abuses, mais que tu surabuses. Oui, c'est ça. Mais tu peux abuser un petit peu. Ça peut être pratique. C'est quand même mieux, je pense, que de ne pas se laver les mains. Oui, mais c'est que les gens remplacent ça quand ils vont au centre commercial, n'importe quoi. Ils vont sortir des toilettes, ils vont même pas se laver les mains. Ils vont juste prendre le Purel qui est sur le bord de la porte. Ouais. Pas la même chose. Mais non, tu vois encore toute la trace sur les mains. Trace de mamelon. Ouais. Mais oui, c'est ça, ceux qui en mettraient trop, ça tue aussi les bonnes bactéries, tu sais. Oui. Ouais. Et voilà. C'est tout. Bon, ensuite. Pour moi. C'est bon, oui. Merci. Elle a bien raison. Ensuite, c'est les sacres. Jurés. Jurés. On nous dit, selon une étude, que jurer ou sacrer va être bon pour soulager les douleurs. Selon une étude. Donc, évidemment, on pense que c'est une mauvaise chose parce que c'est un sacrilège envers notre. Notre religion, c'est ouais. Ça. Ensuite de ça, toujours au top, des choses qu'on pense être mauvaises, mais qui sont bonnes. La bière, qui a une mauvaise réputation. On dit que c'est pas bon pour la santé, que ça pourrait vous donner une grosse bedaine de bière. Et même si la bière est définitivement pas un choix faible en calories, la boire en modération, on parle de, mettons, une bière à la place de quatre, là, ça pourrait vous aider à plusieurs choses. Par exemple, surtout les bières très, très noires sont remplies d'antioxydants. Ensuite, il y a du polyphénol dans certains ingrédients. Le hops, là, c'est quoi hops dans la bière? Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi le mot hops? C'est pas du... C'est pas le... La levure ou... Pas sûr de celui-là, mais en tout cas, H-O-P-S. Il y a des polyphénols là-dedans qui peuvent aider à réduire le cholestérol et peuvent même combattre le cancer. La bière peut aussi aider à reconstruire vos muscles. Et dans certains cas, on dit que ça hydrate mieux que de l'eau lorsqu'il fait chaud. C'est le houblon. Le mot me manquait, mais c'est le houblon. C'est ce qu'on cherchait. Ouais. Houblon! Hops! Hops! C'est comme dans du hip-hop. Là, c'est du, en français, c'est du à la mode houblon. Oui, c'est hip. Hip-hop. Houblon. Ah, oh, mon Dieu. ensuite, bougez beaucoup. Bouger beaucoup, c'est une chose qu'on pense être mauvaise. Je sais pas pourquoi, mais on dit que c'est très bon. Donc, passer du temps trop proche de son ordinateur, surfer sur Internet, niaiser sur son téléphone cellulaire, regarder la télé. On nous dit que bouger, donc, dans le fond, pas faire ça, ça pourrait nous aider à allonger notre vie. D'accord. Donc, bouger beaucoup. Pendant que vous êtes assis à votre ordinateur, shake le... Il y a rebouti. le boudinet. Oui. Voilà. Le boudinet. Texter à la place de parler. Ah ah! On parle évidemment de communication, on parle des gens qui s'écoutent même plus parler, qui, même dans un couple au restaurant, vont se texter. Ouais. Mais au moins une étude nous apprend qu'une majorité d'adolescents et de parents croient que texter aide leur relation. Ça permet aux enfants, dans le fond, de rester en contact avec leurs parents sans que leurs parents prennent trop de place dans leur vie. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, tu textes tes parents, au moins ils t'appellent pas et sont pas là à te jaser pendant une demi-heure. Mm. Ça peut avoir du bon. Puis tu peux enlever aussi l'accusé de réception de tes messages s'ils ont un iPhone. Comme ça, ils font pas « Ouais, tu m'as pas répondu. Ça, tu l'as vu? Ça! Je suis peut-être occupé. Ouais. On est rendu comme ça, les gens répondent plus sur Facebook parce qu'ils savent que t'as vu qu'ils ont vu le message pareil. Ouais, moi ça me dérange pas. Ouais, moi ça me dérange. Ensuite, le café. Bon, évidemment, le café, il y en a qui vont dire que c'est pas bon pour vous, que ça va vous irriter peut-être l'estomac et vous allez être irritable envers les autres personnes. Bref, que l'irritation. Ça vous rend anxieux, ça va peut-être vous faire vous empêcher de dormir. Mais boire du café en modération peut avoir quelques avantages, dont réduire les risques de diabète de type 2, moins de chances de développer un cancer de la peau et en général moins... c'est marqué, j'adore cette phrase-là. Lower risk of death. Ah ben oui! T'as moins de chances de mourir. Ben oui, tout simplement. C'est ton remède miracle. Oui. Beaucoup de moins de chances de mourir. Je suis sûr que ça arrive aussi si tu fais d'autres choses. Sûrement. Tu sais, juste pour être resté dans le flou, tu sais. Oui, c'est ça. En général. Tu fais des choses, puis t'as moins de chances de mourir. C'est ça. Plus ou moins relativement tardivement sur le futur plus ou moins rapproché. 19 fois sur 20. Ensuite, de regarder des films drôles, des comédies. Donc, ne vous sentez pas mal si vous préférez regarder des comédies et non des drames très, très sophistiqués. Parce que selon les chercheurs, lorsque des volontaires, des bénévoles, des gens qui ont regardé des films drôles comme Marie un je ne sais quoi, leur vaisseau sanguin ont pris de l'expansion, le lining, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais de leur vaisseau sanguin a pris de l'expansion. Par contre, quand ils regardaient un film plus stressant comme Il faut sauver le soldat Ryan, leur vaisseau sanguin se sont rapetissés. Donc, leur conclusion, c'est très possible que rire sur une base régulière pourrait être utile à incorporer dans un style de vie qui serait, dans le fond, santé pour empêcher les maladies du cœur. Donc, on dit, mangez vos légumes, faites de l'exercice et riez à tous les jours. Donc, le fait que c'est une comédie, c'est juste parce que ça vous fait rire, ça pourrait être d'avoir des amis drôles, ça pourrait être... Oui, d'écouter Assemblage Requis tous les matins. Oui, Mamelon! Tellement des blagues de classe, là. Oui. Ensuite, le sexe. Je sais pas qui a dit que le sexe pouvait être mauvais pour toi. Non, c'est ça. Je pense que c'est un top des choses qui peuvent être mauvaises, mais finalement sont bonnes. Mais bon. Donc, on avait dit que c'était un top facile, hein? Oui. C'est un top facile, en effet. Donc, il veut faire du sexe. C'est ça. c'est facile. Le sexe, ça peut être très bon pour vous, plus que seulement le plaisir du moment. Donc, on dit qu'une vie sexuelle, dans le fond, qui serait bonne, pourrait réduire le stress, brûler des calories et améliorer votre circulation. Ouais. Et ben... ensuite, tiens, tu sais, quand t'es au bureau et que tu te mets à rêver éveillé, ouais. Genre de petit rêve lucide, si on veut. Oui, les yeux à moitié endormis dans la graisse de bine. À peu près ça. Ouais. Quand moi, je voulais amener des bines pour dîner à midi. Ah oh. Je laissais faire, je me suis dit, ça sera pas bon pour mes collègues. Ah ouais. Façon érablière. donc, rêver de jour, si on veut. Dans le fond, on dit souvent que c'est être paresseux. T'sais, quand t'es là et tu travailles pas, donc t'es en train de rêver. Si tu rêves, c'est que tu travailles pas. Et tu vas perdre ton temps à rien faire. Mais rêver de jour a plusieurs avantages. Par exemple, ça peut vous aider à trouver de meilleures façons de gérer les conflits avec vos collègues de travail, peut-être. À être plus productif, à trouver des idées plus créatives, à se rendre à vos buts, à se débarrasser de l'ennui, si on veut. Donc, bon, rêver de jour. Ensuite, la musique forte. Du gros métal. Évidemment, on se dit que le métal, ça pourrait faire que tu vas perdre l'ouïe, tu sais. On connaît les amateurs de métal ont tous des problèmes d'audition. Je pense que oui. Mais de l'autre côté, les chercheurs de... Oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Ils ont des problèmes de oui. Je pense que oui. D'oui? Même non. Donc, les chercheurs de l'Université de Manchester ont découvert qu'écouter de la musique forte, de la musique qui bouge beaucoup, peut aussi stimuler votre cerveau et vous faire vous sentir bien pendant et après l'écoute. Mais par contre, ne montez pas le volume trop haut parce qu'écouter de la musique peut causer, comme on disait, une perte d'audition. Donc, écoutez à forte, mais sans vous péter les tympans. C'est ce que ça veut dire. Forte, mais pas trop. Forte, mais pas trop. Puis ça pourrait aussi diminuer les risques de mort. En effet. Le chocolat. Évidemment, on peut être accro au chocolat. Ça peut, encore une fois, faire prendre du poids en masse. Mais certaines études nous apprennent que les antioxydants dans le chocolat, qui sont d'ailleurs surtout présents dans les chocolats plus foncés, le chocolat noir à plusieurs pourcentages, là, t'sais, je ne remarque pas vraiment la différence entre 72 et 74, mais quand même. Mais quand même. Quand même, c'est, on nous le dit. Bref, ça peut réduire la pression sanguine, ça peut améliorer la circulation et ça peut baisser les risques de diabète, d'attaque cardiaque, des trucs comme ça. On nous dit de sélectionner un chocolat noir avec 65% ou plus de contenu de cacao. OK. Et vous mettre une limite à 3 onces ou moins par jour de chocolat si vous voulez éviter la perte de poids. Intéressant. Ensuite, ne pas faire son lit. Ah ouais? Là, ça me rejoint. Évidemment, pas faire son lit, ça a l'air malpropre, mais tu vois, pas. Il n'y en a pas de problème sur la porte. Et voilà. Hein? Ouais, bref, certains chercheurs nous apprennent que les petits lapins de poussière, comment on appelle ça en français, les petites boules de poussière? Là? Ouais, des... Ben c'est ça, là, des... Ces affaires-là. Oui. Ceux qui, évidemment, vont causer l'asthme et d'autres allergies ne peuvent pas survivre dans un lit qui n'est pas fait. Pourquoi? Ils préfèrent les conditions humides créées par un lit bien fait. Les lits qu'ils n'ont pas fait sont trop secs pour ces bébêtes-là. Ah. Nous dit-on. Mais j'ai des doutes pour celui-là. Ouais, ouais. Je suis pas sûr, moi non plus. Pas convaincu. Mais c'est selon une étude. Tu sais, des études, ça dit bien des choses. Ensuite, le soleil. Évidemment, le soleil peut causer le cancer de la peau, ça peut faire plein d'affaires comme ça. Mais par contre, on le dit qu'il y a une différence entre trop de soleil et pas assez. Il y a une fine ligne entre les deux. Donc, s'exposer trop au soleil n'est pas recommandé. Il y a quelques avantages. Par contre, si on prend du soleil régulièrement, le soleil est une bonne source de vitamine D, ce qui peut aider à vous garder en santé. Ça peut aussi fournir une protection contre certains types de cancers. Prendre un petit peu de soleil, évidemment, pas trop, et ça peut améliorer votre humeur. Ça, je pense que c'est évident. Quand il fait soleil, on est plus de bonne humeur que quand c'est la première neige et qu'on se défoule sur Facebook. Et ensuite, les dents qui tombent, c'est notre... Est-ce que c'est notre... Non, c'est ça. Encore une fois, ça tombe sur un autre palmarès. Les dents qui tombent. Ça, c'est bon, ça. Ça a des bonnes choses. Ça veut dire que t'es en train de vieillir. Hein? Donc, c'est là-dessus que se termine notre top. Vous allez vieillir et vous allez peut-être, un jour, si vous êtes chanceux, mourir. Peut-être. Mais essayez de pas trop. Heureux. Voilà pour ce palmarès. C'est des choses qu'on pense mauvaises, mais qui sont bonnes finalement. Oui. Et on va faire une deuxième partie tantôt. Ce sera 15 faits fascinants sur les taches de rousseur. Mm-hmm. Intéressant. Mais avant ça, mange l'ours, mange. Ça va peut-être réduire tes chances de mourir. Peut-être. Ben, il paraît que oui. Oui, c'est terrifié. J'ai déjà entendu ça. Déjà we'll be right back. Terrifié, terrifié. De mange l'ours, mange. Ils aiment ça répéter des affaires, eux autres. Ben oui, c'est des doubles. Ça réduit les risques de mort. Oui. Toujours dans son foutu palmarès, on fait le top des faits fascinants sur les taches de rousseur. Vous savez comment je suis fan de taches de rousseur? Oui. Je pense que je m'en cache pas du tout en onde. Saviez-vous que les taches de rousseur, en fait, quand les personnes qui ont des taches de rousseur passent du temps au soleil, leurs taches de rousseur peuvent se multiplier. Donc, si vous voulez pas augmenter le nombre de taches de rousseur sur votre figure, votre visage, se faire bronzer est une mauvaise idée. Oui, dans le fond. Et porter toujours aussi de l'écran solaire. Moi, j'aime ça. Bon, portez-en en plus, même, s'il faut. Ensuite, portez-en en plus. Portez-en en plus. C'est l'accessoire du moment. C'est dans la mode. Oui. Trending on Twitter. Un autre mot pour une tache de rousseur, c'est un éphilis. Et la forme plurielle, c'est éphilides. Donc, si tu veux avoir l'air intelligent en parlant de tache de rousseur, éphilis. Super. Ensuite, c'est pas exclusif aux roux ou aux rousses. On pense évidemment qu'ils ont la plupart beaucoup de taches de rousseur, ce qui est en fait, j'imagine, pas mal un le critère cas, de base, ouais. C'est exactement ça. Mais c'est pas seulement eux. C'est de la peau assez pâle. Donc les gens avec de n'importe quelle couleur de cheveux peuvent avoir des taches de rousseur. Et même, je dirais, peu importe la couleur de peau, parce que j'ai vu des personnes avec la peau plus foncée avoir des taches de rousseur. Taches de rousseur, mais bon. Ensuite, les taches de rousseur sont vides de tout cancer. Contrairement à leurs amis, les petits... Les graines de beauté. Donc, les taches de rousseur ont zéro risque de devenir cancéreuses, cancérigènes. Donc, si tu penses avoir une plus grande chance de cancer à cause de ça, ben, t'as tort. Ensuite de ça, les taches de rousseur peuvent perdre en couleur avec le temps. Donc, on a dit tantôt que ça se multipliait, ça pouvait noircir quand on s'expose au soleil. Mais en fait, ça peut, lorsqu'on n'a pas trop de soleil dans sa vie, ça peut devenir beaucoup plus pâle. Et c'est pour ça que certains visages avec taches de rousseur vont perdre un petit peu de leur point pendant les mois d'hiver. Ah ben voilà. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, les taches de rousseur sont génétiques. C'est déterminé par tes gènes. Donc, le nombre de taches de rousseur sur une personne est génétique. Et ces résultats, c'est un résultat, oui, de la mélanocortine 1, le récepteur MC1R. Pour la variante du gène. Et là, évidemment, c'est des termes super techniques que je comprends pas, mais ça vient de exactement là. Si c'est dans votre famille, c'est ce que ça veut dire. On a compris. Ensuite, donc, on a parlé d'éphilides, les éphilis. Oui. Tantôt, c'était la forme la plus commune de taches de rousseur, mais il y a aussi un autre type qui s'appelle l'antigine. C'est plus foncé et ça ne devient pas plus pâle pendant l'hiver. Et ces l'antigine-là vont souvent apparaître sous la forme de sunburn freckles, donc taches de rousseur de soleil, c'est quand on voit trop au soleil. C'est des points noirs et irréguliers qui vont se montrer sur le dos et les épaules pendant ou après un brûlement, dans le fond, un coup de soleil. Un coup de soleil. Ensuite, on parle de ce qu'on appelle les sunspots ou les liver spots. Donc, c'est ce qu'on voit souvent sur la peau des personnes âgées. C'est une forme de l'antigine. Donc, ça va arriver après plusieurs années au soleil et ça ne deviendra pas le plus pâle pendant les mois d'hiver non plus. Ça apparaît surtout chez les vieilles personnes, mais c'est pas toujours un signe d'âge. Donc, ça peut apparaître quand même un petit peu plus tôt. Ensuite de ça, je vais en sauter quelques-uns là, parce qu'on manque de temps un petit peu. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de taches de rousseur. Ah, il y en a qui aimeraient ça en avoir. Il n'y a pas de gêne. Mais il n'y a pas de gêne. Là, il y a de la gêne et pas de plaisir. Oui. Donc, ça peut arriver sur plusieurs sortes de gens, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas en avoir. Donc, même si on passe beaucoup de temps au soleil, dans le fond, si vous n'avez pas ce truc-là dans vous, ben, ça ne va rien donner finalement. Voilà. Et de toute façon, on dit qu'encore une fois, aller trop souvent au soleil, c'est pas bon pour votre peau. Ensuite, les grains de beauté, ben, comme on l'a dit, c'était pas des taches de rousseur, malgré ce que certains en pensent, on dirait. Moi, j'ai jamais pensé ça, mais ça se peut. Même c'est souvent localisé sur la figure, sur le visage d'une personne. Donc, un grain de beauté, en fait, ben, c'est un mélanocytique nevus. Et donc, c'est ça. Super. Oui. Ensuite... Ne pas confondre les deux. Ensuite, tiens, si vous aimez vraiment pas vos taches de rousseur et que vous voulez les rendre plus pâles, il y a quelques options. Encore une fois, on le conseille pas, on a déjà parlé un petit peu dans les extraits d'assemblage, on ne fait pas ça. Donc, à part se les faire enlever au laser, ce qui peut être assez coûteux et une très très mauvaise idée à mon avis, tu peux utiliser du jus de citron pour lentement faire pâlir ça. Non. Quelques vedettes avec des taches de rousseur, tiens. Hein? Pas pire ça. Emma Stone, Megan Fox, Alexis Bledel, Emma Watson, Evangeline Lilly, Lucy Liu, Julianne Moore, Rachel Bilson et Kate Moss, entre autres, ont des taches de rousseur. Mm-hmm. Merveilleux. Ensuite, on va aller avec le dernier, je pense. Attention, même pas. C'est assez pour moi, ça. C'est assez pour moi, ça va parfait, faire. Ça. J'aime ça, les taches de rousseur. Venir avec des vedettes. Exactement. Emma Stone. Ouais. Voilà pour la chronique Son foutu palmarès. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30. et le Dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le Dîner de cons un certain midi cette semaine. On va aller parler de Chatounia. Chatounia-Ladon, qui vend sa virginité aux enchères. Vous avez bien compris. C'est en Sibérie, une jeune femme donc connue sous le nom de Chatounia a récemment mis sa virginité aux enchères. Donc, les 600 000 euros empochés par Katarina Miglorini en échange de sa virginité ont visiblement donné l'idée à la jeune Chatounia en proie à de grandes difficultés financières. Donc, cette Sibérienne de 18 ans qui affirme être encore vierge. C'est ce qu'elle affirme. Hein? Est-ce qu'elle a un certificat d'authenticité? A en effet décidé de mettre son corps en vente sur le site 24ho.ru, donc sur 24ahu.ru, l'équivalent russe de eBay. Et après seulement un jour d'enchères, elle a déjà confirmé le nom du grand gagnant. OK. Je suis dans un besoin urgent d'argent. Je vends donc la chose la plus précieuse que je possède, explique la jeune femme dans son annonce. Je suis prête pour une rencontre très rapide, même dès demain. Et je suis également prête à faire vérifier ma virginité. Je peux me rendre à un hôtel à près de Monstaya Square dans la ville de Volgograd avec un document confirmant ma virginité et avec une personne qui va prendre l'argent et partira avec afin que je ne me fasse pas avoir. Pour une somme avoisinant les 900 000 roubles, soit environ 22 000 euros, c'est un enchérisseur du nom de Evgeny Volnov qui a remporté la mise à près de 2 500 euros au-dessus de la somme initiale proposée par Chatounia. Ce dernier recevra d'ailleurs bien un certificat de virginité au moment de consommer son gain, comme le précise le Siberian Time. Particulier, hein, mais l'autre a eu 600 000 euros, elle se contente seulement de 22 000. C'est un petit peu ordinaire. L'histoire de cette jeune femme désespérée a fait grand bruit en Russie où l'opinion publique la juge scandaleuse, ce genre de pratique. Toutefois, la police a expliqué qu'elle n'avait pas pu empêcher la transaction car aucune loi n'est brisée et cela ne ressemble pas à la description d'une prostitution. Dans son article consacré à Chatounia, le Siberian Time explique que la jeune femme a déjà tenté de mettre en vente sa virginité alors qu'elle avait 17 ans, mais le quotidien du Grand Nord russe n'a pu découvrir si la mise aux enchères avait été jusqu'à son terme. Particulier, le mot est faible, je trouve. En tout cas, c'est ça. Sinon, ici, tiens, attends un petit peu, hein, parce que je vous le dis, l'Internet fonctionne en ce moment, mais quand même pas à son top, je pourrais dire. On va aller parler ici de 36 crânes humains qui ont été découverts chez un Italien. Particulier, ça aussi, hein? C'est vers la fin d'octobre, la police de l'air des frontières étrangères, la PAF, a découvert à l'aéroport de Bujumbura un colis contenant deux crânes humains. Les enquêtes ont ensuite révélé qu'il avait été envoyé par un Italien du nom de Giuseppe Favaro, sous un faux nom. Cet Italien qui vivait au Burundi depuis une dizaine d'années a été arrêté et placé en détention préventive le 29 octobre. Selon la même source, les crânes humains ont été découverts grâce au premier scanner installé à l'aéroport international de Bujumbura et offert par la France au Burundi, selon les services aéronautiques burundais. La police a découvert 36 crânes humains après une perquisition opérée à son domicile de Bujumbura, ainsi que plusieurs éléments à charge contre ce délinquant. Monsieur Favaro avait mis en place un réseau qui lui permettait de recueillir des crânes humains au Burundi au prix de 50 $ américains pour la revente ensuite à 300 $ américains en Thaïlande. L'enquête a permis également de savoir qu'il exportait des colis vers cette destination depuis une dizaine d'années, mais on ne sait pas encore à quoi ces restes humains pouvaient servir. OK. Au moins 3 complices ont déjà été arrêtés et la police burundaise a contacté Interpol afin de mener l'enquête sur le volet thaïlandais de l'affaire. Au Burundi, tout le monde est stupéfait car c'est la première fois qu'on voit quelqu'un se livrer à de tels actes, a déclaré le colonel Herménégilde Harimenshi. Herménégilde, hein, quand même, tout un nom. Non, mais pour vrai. J'ai le goût sourire pareil, on a le goût d'en parler. On parle de quoi? Eh bien, de la Miss Univers. Eh bien, elle a un maillot de bain à 1 million de dollars quand même, hein, pour si peu de tissu. Quand même. Et donc, maillot blanc porté par la jeune femme de 25 ans, choisie comme égérie par la marque italienne de lingerie, comportait un pendant d'émeraude cousu sur le devant ainsi qu'un motif fluide composé de diamants et de rubis sertis d'or. Souriante, elle a raconté aux journalistes rassemblés dans un grand hôtel de la ville qu'elle avait passé la nuit au téléphone partageant sa joie avec famille et amis. « Je suis une fille simple, je suis venue ici pour m'amuser, pour profiter du moment. » Et voilà, a-t-elle lancé, posant dans son maillot aux 900 pierres précieuses. « Nous avons des gardes armés, alors ne vous faites pas d'idée. » a prévenu la présidente de l'organisation Miss Univers, Paula Shugart, sans préciser que si le maillot était à vendre. Gabriella Isler, quant à elle, a dit ne pas savoir non plus ce qui était prévu, mais qu'elle aimerait bien le garder. « Je me demande où sont ces gardes parce que je m'enfuirais bien avec le maillot », a-t-elle plaisanté. Et le concours de Miss Univers est né pour l'histoire aux États-Unis en 1952. Elle avait d'abord été conçue pour faire justement la promotion de maillots de bain. Hein? C'est la nouvelle Miss Univers, la vénézuélienne Gabriella Isler, qui a été couronnée samedi dernier, donc à Moscou, qui est apparue dimanche, vêtue de son maillot de bain de 1 million de dollars. Ça, c'est un article qui m'a... on va se le garder pour tantôt, je pense. Je veux juste aller voir si j'ai retrouvé mes autres... Bon, en tout cas, je, pour l'instant... Ah oui, c'est celle-là que je vous avais promis que je ferais. Je vous parle d'un robot qui est imbattable au jeu de pierre, feuilles et ciseaux. Ben, si on est mieux, hein, roche, papier, ciseaux. Nous, c'est comme ça qu'on l'appelle, le pierre, feuille, ciseaux. C'est très, très français. Donc, c'est à Tokyo. Un groupe de scientifiques a développé un robot capable de les divertir en jouant à roche, papier, ciseaux. Seulement, le match est plié d'avance parce que cette main robotique ne perd jamais. Jamais, jamais. Ce robot a été créé avec un âme d'enfant et un esprit de compétiteur. En effet, programmé pour gagner, ce robot n'a pas son pareil au jeu de roche-papier-ciseaux. Mais en réalité, ce robot est surtout un éternel tricheur puisqu'il analyse avec rapidité les mouvements de son adversaire pour prévoir le jeu. Face à ce robot, il est même inutile d'espérer gagner. Les humains n'ont aucune chance. Au moment où vous présentez votre main, le robot attentif à vos moindres mouvements a déjà un temps d'avance. Il adapte son jeu en fonction de ce que vous proposez. Ce robot surpuissant et spécialisé dans ce jeu ne se trompe jamais. Grâce à une caméra, il garde constamment un œil sur son adversaire. C'est également ce petit appareil qui constitue le point fort du robot. Toutefois, sa réactivité est telle qu'une fois face à ce robot, eh bien, on est loin d'imaginer qu'il attend qu'on ait choisi avant de proposer mieux. On a l'impression qu'il joue en même temps que nous. Il est rapide dans son analyse et ainsi que dans ses mouvements. Sur le site du Daily Mail, on découvre qu'il ne lui faut qu'une milliseconde pour analyser l'attaque de son adversaire et ainsi organiser son jeu. Les capacités de ce robot vont à l'encontre des règles du jeu, mais ce dernier est tellement efficace qu'il pourrait tromper l'inventeur même du jeu. Développé par le laboratoire Ishikawa Hoku à l'Université de Tokyo, ce robot composé de 3 doigts est avant tout le signe qu'il peut y avoir une collaboration efficace entre humains et robots. Pour l'instant, la seule tâche de ce robot capable de réaliser, c'est de jouer à son jeu préféré, mais le professeur en robotique Chetu Vlangia Kumar a expliqué à la BBC que les performances de cette main robotique pouvaient aider les spécialistes. En effet, dans beaucoup de domaines, les robots doivent être réactifs à la milliseconde près au risque de causer d'énormes dommages. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Ah tiens, on va faire quelque chose de spécial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de ces nouvelles. Jean-Philippe, est-ce que tu te rappelles un certain Simon Fitzbay? Oui, monsieur. Il était chroniqueur à l'émission de 2009 à 2013, mais plutôt cette année, genre. Oui, mais cet été. Cet été. Et il nous a un petit peu laissé tomber pour mieux, parce qu'il faut qu'il finisse ses études à un moment donné. Oui, ben c'est ça, pour se concentrer sur son travail de maîtrise. Ouais. Mais il y en a encore, album classique le vendredi matin. Exactement, et co-anime les éphémérides du rock. Rock classique, exactement. Eh bien, il faisait une chronique cet été qui s'appelait « La carte postale musicale ». Oui, très intéressante. Très intéressante. Et il nous en a envoyé une récemment pour un événement spécial, j'imagine, sûrement pour la fête des morts, peut-être. Donc, voici « La carte postale musicale » de Simon Fitzbay. C'est la carte postale musicale de Simon Fitzbay. Et comme toujours, dans le rôle de Simon, voici Jean-Philippe Charbonneau. Jean-Philippe Charbonneau! On appelle Jean-Philippe Charbonneau. Salut! Hey! Salut, salut. Donc, un revenant, je me lance. Oui, comme un mort à Pâques, comme GC Superstar. Oui, comme un coco de Pâques. Donc, toi, t'es-tu prête pour la musique? Tout est prêt. Tout ce que j'attends, c'est le texte. J'y vais! Donc, dans le rôle de Simon Fitzbay, me voici. Salut les gars! Ça fait un bout que je vous ai pas écrit et je m'en excuse. J'ai été tellement occupé. J'ai pensé vous envoyer une carte postale musicale pour vous aider avec l'arrivée de la neige. Je sais que ça peut être difficile pour certains et j'ai cru bon de vous aider avec un peu de musique. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir vous écrire à chaque semaine, mais je vais m'assurer de le faire une fois de temps en temps. Cool. On débute le tout avec Mauve. Une formation que j'adore et qui m'avait vraiment épaté avec une sonorité... Ah, oh, là, ça y est, c'est reparti. Avec une sonorité Wilsonesque sur son premier album Cinema Playmouth. Il nous transporte en terrain nouveau avec leur album Le Faux du Soir, qui est paru ce mardi 12 novembre et dont on a écouté un extrait tout à l'heure. Un petit extrait tantôt. Oui. Ouais. Le son est plus recherché et la qualité de la production est vraiment supérieure sur cet album. Les Mauves nous paraissent plus matures et nous offrent une musique plus complexe, ainsi qu'une instrumentation riche qui plaira à l'amateur de musique qui recherche des mélodies travaillées et innovantes. Je ne suis qu'à ma troisième écoute du Faux du Soir et je suis conquis. Gageons que nous entendrons parler de Mauves souvent dans les prochaines semaines ou même les prochains mois. Je vous propose d'écouter Montréal, le premier extrait de ce nouvel album. Et c'est un excellent add-on, quoi, ce soit pas la pièce qu'on a entendue plutôt dans l'émission. Oui, quand même. J'avais peur. Est-ce que je continue? Oui, continue. Oui, je me souviens plus du pattern. Donc, on va écouter un peu plus tard, c'est ça, Montréal. On poursuit avec une autre formation que j'affectionne. C'est de Casket Girls, un groupe de Savannah, en Géorgie, signé sur Grave Face Record. Je suis tombé en amour avec la voix d'Elsa et de Phaedra Green, qui forment un trio électropop avec Ryan Grabface, membre du groupe Black Mutt Super Rainbow. Super Rainbow. Super Rainbow. Ça, c'est viril. Oui. Attends-moi deux secondes. Je t'attends, quand tu veux. Merci, excusez. Ils sont présentement en post-production de leur prochain album, True Love Kills Their Fairy Tale, qui doit paraître le 11 février 2014. Je vous propose l'excellent extrait Holding Your Back, qui se trouvera sur cet album. Il s'agit d'un groupe qui peut parfois paraître glauque pour certaines personnes, mais j'ai vraiment l'impression que ça va s'apprécier avec le temps. Je ne peux pas me passer des Casket Girls. Finalement, je vous propose de finir avec une formation vraiment extra que j'ai trouvée sur la compile Burp ce mois-ci. B-I-R-P. Ça, c'est Blalock Cindy Rock Playlist sur BIRP.FM. Merci, Mathieu. Fait plaisir. Il s'agit du duo Cult. C'est ça. Qui donne dans le Shoegaz la Dream Pop qui m'avait conquis avec la voix de Madeleine Frolin. Une chanteuse au ton plus perché qui trouve la note juste pour nous faire vibrer. Elle est accompagnée du guitariste multi-instrumentiste Brian Oblivion, qui harmonise le tout avec d'une façon vraiment sublime. On a l'impression d'être le rêve et la réalité, quasiment en transe lorsqu'on écoute la pièce Always Forever que je vous propose aujourd'hui. Cults a lancé l'album Statics à la mi-octobre. Il s'agit d'un disque, qui vaut vraiment le détour. Je vous le suggère fortement. Bon, c'est le temps pour moi d'y aller. Je vous souhaite une excellente journée à vous et à vos auditeurs et j'espère que vous aimerez la musique que je vous ai envoyée cette semaine. Simon. PS. J'ai rencontré Kiwan par hasard dimanche dernier au Centre Bell. Nous n'avons pas eu le temps de parler, mais je suis sûr qu'il vous dit salut. Ah, Kiwan, notre ancien co-animateur d'Assemblage requis, et ensuite devenu chroniqueur et ensuite devenu juste un souvenir. Oh. Un beau souvenir. J'espère lui reparler un jour à Kiwan, mais aussi à Simon. Et on écoute sa carte postale à l'instant, en débutant avec Mauve et Montréal. Sur C'est fou. Normal. dans mes artères, le mal colore la misère. Même si sous mon poids le pavé fond, we'll be right back. Cult, c'est la pièce Always Forever, précédée de Casket Girls avec Holding You Back. Et on a débuté avec Mauve et la pièce Montréal. C'était dans le bloc de la carte postale musicale de Simon Fitzbay qu'on retrouve toutes les fois qu'on le retrouve, c'est-à-dire une fois de temps en temps. C'est fou. Comme ça, en parcimonie. C'est ça, on ne va pas avoir de cases d'arrêt pour lui, mais c'est la beauté de la chose. Quand on a quelqu'un qui se présente pas, on peut le remplacer facilement. Oui, grâce à Simon. C'est génial. Merci Simon Fitzbay. Et écoutez-le à Album Classique les vendredis matin à 10h. Et ensuite, dans les éphémérides du rock, de rock classique avec Alain Lefebvre, c'est à 11h, toujours le vendredi. Voilà. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Eh bien, c'est un top assez intéressant, vous allez voir. C'est un top sur les utilisations insolites d'animaux pendant plusieurs guerres, pendant la guerre finalement. Ça peut aller vraiment de la guerre du Vietnam jusqu'à une certaine guerre en moins 525. Vous allez comprendre. Donc, on y va tout de suite. Et puis, je suis bien content de pouvoir vous livrer un peu d'informations. Ça ne me tentait pas de faire seulement le DJ qui vous place une pièce après l'autre. Donc, on y va tout de suite avec ce top des animaux utilisés pendant la guerre. En première position, les chiens anti-chars russes. Donc, je veux vous dire, il y a toujours une petite description ici. Et comme je prends mes tops sur topito.com, vous pouvez y aller aussi. Eh bien, il y a souvent des petites tournures de phrases à la française qui, des fois, sont pas nécessairement tout à fait faciles de référence pour notre Québécois parlé ici et pour nos références culturelles aussi. Mais bon, on se les envoie. Si on les comprend pas, d'après moi, si je les comprends pas, vous les comprendrez pas non plus vraiment. On s'en reparle. Donc, on commence avec les chiens anti-chars russes. C'est une brillante idée. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le général Panfilon propose de dresser des chiens à aller chercher de la nourriture sous les chars ennemis. Il suffisait de munir le toutou affamé depuis 2 ou 3 jours d'une mine sur le dos et le tour était joué. 10 000 meilleurs amis de l'homme sont tombés dans le piège. Donc, on attachait des mines sur le dos de chiens. Et puis, on leur disait d'aller sous les chars. Wow! Quand même, hein? Assez frappant. Sinon, les mouettes radars de l'armée anglaise. Durant la Première Guerre mondiale, les Anglais remarquent que les mouettes ont l'habitude de suivre les navires sur des dizaines de kilomètres à l'affût, bien sûr, des détritus de cuisine lancés par-dessus bord. L'amirauté britannique a alors l'idée d'ordonner à tous ses sous-marins en patrouille de mer... De jeter à la mer de grandes quantités de pain à chaque fois qu'ils refont surface. Les oiseaux associent la présence d'un sous-marin à de la nourriture et prirent l'habitude de converger et de se rassembler au-dessus de tous les navires de ce type. Très, très bonne idée. Donc, on pouvait retrouver les sous-marins à cause des mouettes. Wow! Les moutons des mineurs. C'est lors du débarquement de Normandie, en juin 44, donc 1944, après que les Alliés aient réussi à prendre pied sur les côtes de la France et à affermir leur position, se posa le problème crucial du déminage des plages. Il fut résolu en faisant avancer des troupeaux de moutons qui, dans leur marche, firent sauter des centaines de mines. Hein? Bonne idée quand même, c'est triste pour les moutons, mais c'est quand même moins triste que de tuer du monde. Les porcs incendiaires en 4e position du top des animaux utilisés pendant la guerre. Donc les porcs de guerre auraient été utilisés pendant l'Antiquité contre les éléphants de guerre lors de la campagne d'Italie de Hannibal. Les porcs étaient couverts de goudron, de lance et d'huile d'olive. Et de toute autre substance enflammée, puis était dirigée vers les éléphants ennemis dans le but de les faire paniquer. Les cris de souffrance des cochons immolés et la boule de feu se rapprochant d'eux ont provoqué la panique des éléphants et désorganisé toute l'armée adverse. Quand même assez rock'n'roll comme façon d'opérer avec des porcs incendiaires. Sinon, les bat-bombes. Les bat-bombes, au nom, c'est comme ça, c'est des chauves-souris-bombes. Hein? On peut voir ça. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains chargeaient des chauves-souris d'explosifs. Les animaux devaient ensuite être lâchés au-dessus d'une zone ennemie, le Japon en l'occurrence, avant de déclencher l'explosion une fois qu'ils se trouvaient à destination. Une fausse ville japonaise fut même construite dans l'Utah pour tester ce principe à grande échelle. Et malgré le succès de l'expérience, le projet ne fut finalement jamais finalisé. Ah bon? Donc, on a créé une ville au complet, une fausse ville japonaise dans l'Utah, mais pour finalement pas utiliser le concept. On se demande pourquoi. Sinon, ici, les chèvres de Skanderberg. C'est Grigin Krastrioti, surnommé Skanderberg, est un seigneur albanais qui a dirigé avec succès et pendant près de 25 ans la résistance de son pays contre l'Empire ottoman. La légende raconte qu'il aurait utilisé des milliers de chèvres pour repousser l'invasion ottomane. Lors d'une bataille au 15e siècle, il eut l'idée de fixer des bougies sur les cornes des chèvres lorsque l'armée de Murad entra dans le pays. Voyant en pleine nuit un nombre incroyable de torches qu'il prit pour autant de combattants ennemis, le sultan fit demi-tour. Cette ruse sauva momentanément le pays. Très bonne idée de faire à croire justement que c'est des gens qui portent des lampes ou des lampions ou des torches, mais pendant ce temps-là, c'est seulement des bêtes, des chèvres. Sinon, en septième position des animaux utilisés pendant la guerre, c'est les oies du Capitole de l'Empire romain. Assiégés lors du sac de Rome par les Gaulois vers moins 390 avant Jésus-Christ, eh bien, les soldats encore présents se barricadèrent dans le Capitole, laissant femmes, vieillards et enfants dans la ville à la merci des barbares. Pendant la nuit, les assaillants tentent d'escalader incognito les murs de la citadelle, mais réveillent les oies sacrées de Junon, présentes sur le perron du Capitole, qui se mettent à hurler de toute la ville. Donc, ce qui a donné l'alarme à tout le monde. C'est bien. Donc, les bêtes utilisées pour nous défendre un peu. Hein, on se met derrière elles. Sinon, les pigeons espions allemands. L'armée allemande utilisa durant la Seconde Guerre durant la Première Guerre mondiale, des pigeons photographes. À l'aide d'un appareil photographique miniaturisé qui leur était fixé, le mécanisme de déclenchement de l'obturateur dépendait d'une minuterie qui permettait des prises de vue distinctes à une vitesse de vol de 20 mètres par seconde. Ces pigeons étaient utilisés pour la reconnaissance des places assez assiégées. C'est un peu comme le Google Earth, mais de l'époque. En neuvième position des animaux utilisés durant la guerre... Eh bien, ce sont les phoques suédois, destructeurs de sous-marins allemands. En 1942, la marine de guerre suédoise utilise des phoques dressés à nager sous les coques des submersibles. Ces phoques équipés d'une mine individuelle à résonance magnétique attachée sur leur dos explosaient avec leur charge. Cette tactique de guerre sous-marine ultra-secrète et révolutionnaire à l'époque allait ouvrir la voie aux expériences militaires menées par la suite avec des troupes d'otaries et surtout avec des troupeaux de dauphins. Le US Navy, a la même jusqu'à utiliser conjointement, comme ce fut le cas lors de la guerre du Golfe, donc des troupes d'otaries et de dauphins. Durant la guerre du Golfe, donc ça fait pas si longtemps. Et le LOLCAT anti-égyptien, eh bien, nous sommes sur le front de la bataille de Pélus en Égypte, opposant Perse et les Égyptiens. C'est en 525 avant Jésus-Christ, et le roi Perse, sachant que les chats sont sacrés en Égypte, décide de les utiliser contre son adversaire. Selon une première version des faits, les soldats perses auraient utilisé des félins comme boucliers, sachant que la loi égyptienne interdisait de les tuer. Mais une autre version veut que les assaillants aient carrément catapulté des chats sur le champ de bataille et les Égyptiens auraient alors préféré s'incliner plutôt que de risquer la mort accidentelle de certains de ces animaux sacrés. Assez particulier, cette étape. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On n'est pas compris, nous, avec notre humour de... On n'est pas compris du tout, Mathieu. On est des incompris. Oui. Mais bon. On est des incompris. Par contre, on se comprend bien quand on se... ensemble. S'il y a quelque chose qu'on comprend bien, c'est ça. C'est ça. C'est Kinky Sexy Time. Ouais. Au moins, toi, quand tu l'essayes, c'est pas mal plus véridique que David Ferron quand tu fais ça. Ah. La langue dans ton oreille. OK. Donc, c'est Kinky Sexy Time où on se parle de choses pas mal osées. C'est pour un public plus ou moins averti. Ben, moi, je suis prêt. Je suis prêt à recevoir tout ce que tu as à me donner. Toujours bien prêt et bien perpendiculaire, 90 degrés. Est-ce que je peux commencer par un fainéantin? Un fainéantin, oui, vas-y. Un fainéantin, c'est ma nouvelle chronique fainéantin. Fainéantin de Jean-Philippe. Tu sais comment je suis fan de Vine? Oui. J'en ai vu un parce qu'on est dans la chronique Kinky. C'est une fille qui se promène dans la rue puis elle dit hey, j'ai un tour de magie à te faire. Il faut comprendre que ça se passe en 6 secondes. 6 secondes. Là, je vais te l'expliquer, ça va sûrement durer 30. Mais là, la fille arrive, elle est dans la rue puis elle dit hey, toi, j'ai un tour de magie à te faire faire. Elle dit je vais te faire goûter du sel. Tu vas voir, là, c'est sans salière. Fait qu'elle dit prends la salière puis verse-toi du sel sur la langue. Hein? Oui. Donc, imagine-toi, quand tu mets du sel, c'est quoi le mouvement que tu fais? Oui. Puis là, la fille est dans la rue, elle a la langue sortie, les yeux fermés, puis elle est là, est-ce que tu imagines le sel? Puis là, la fille, elle, non, je goûte rien. Je shake fort la salière. C'est tout. Ça dure 6 secondes et j'ai tellement trouvé ça drôle. Non, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, mais le ridicule ne tue pas, puis ouais. Le ridicule me fait rire. C'est ça. Ouf. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est un Vine. C'est pour ça que Vine existe, pour pas avoir à raconter ça. Merde! Ensuite, tiens, parlons de fétichisme. Ah ben tu sais qu'il y a beaucoup de fétichisme, de fétiches bizarres dans la vie, dont le nose fetishism, fétichisme de nez, qui est le désir pour un contact sexuel avec le nez, d'accord? Ou des fantasmes spécifiques comme pénétrer les narines. L'envie de pénétrer les narines, évidemment, pas pouvoir le faire, parce que, en tout cas, j'espère pour vous autres. Oui, c'est ça. À Hong Kong, une bonne indonésienne qu'on dit, une personne de l'Indonésie, bref, une bonne, a ajouté son sang menstruel à la nourriture de ses employeurs, pour aider à améliorer leur relation. Il disait que ça allait les rapprocher, tu sais. J'ai fait ça pour bien faire. Ceci est mon corps, ceci est mon... Mangez-le pour moi. Un autre fétichisme, tiens, c'est celui du nombril, hein, si on le sait. Donc, il est attiré par le nombril. Si on le sait. On sait oui. que le fétichisme du nombril a rapport avec le nombril. Ah, OK, oui. C'était plus ça qui était... C'est comme la fille à TVA quand elle a dit que typhon avait ravagé... Les Philippines. Les Philippines, heureusement. Mais tu sais, la France, c'était juste mal faite, là. Les gens pensent qu'elle a dit que c'était ça. C'est pas ça qu'elle a dit, là. C'est quoi qu'elle a dit? Ben, elle a dit, hein. Faudrait le réécouter tantôt. Ah, ouais, ben, probablement que, heureusement, après ça, il y avait une autre c'est phrase. C'est dans l'autre phrase, c'est ça. Elle a juste mal fait sa pause entre eux. Heureusement, il n'y a eu aucun mort. T'sais, il n'y a pas d'annonce 10 000, genre. C'est ça. Le partialisme, ensuite, c'est un intérêt sexuel avec qui est focusé exclusivement sur une partie spécifique du corps. C'est du partialisme. Partialisme. C'est pas triper sur des personnes avec des partiels. Non. Non, à ne pas confondre. À ne pas confondre. Qu'est-ce que la ratophilie? Ratophilie? Ça, c'est des fois dans les collèges, avec les manches à balai. Mais là, ils ont dit non, là, c'est fini les initiations avec les manches à balai dans les foufous. Fait que là, c'est rendu des râteaux. Des râteaux. Comme les Simpsons quand ils pillent ses râteaux un après l'autre pendant 3 minutes. Là. Fait que c'est des râteaux. Philly. Ratophile. Non, ratophile, en fait, c'est être excité par rapport à sauter sur une personne qui n'est pas consentante. Donc, particulièrement un étranger. Donc, ratophilie, c'est quand tu veux sauter sur quelqu'un, l'envie. Wow! De faire ça. Bizarre. Une femme va dépenser environ 3500 jours à menstruer dans sa vie. À être menstruée. Oui. Je suis très, très mauvais par moment pour la traduction. Mais oui, à être menstruée. Ouais. Oui, OK. 3500 jours. Alors qu'elle va utiliser 11400 tampons dans sa vie. Mm-hmm. Les gens qui ont des personnalités genre, comment dire, gênées, tu sais, qui sont souvent mal à l'aise, sont plus loyales dans leur relation. Quand même. Et on nous dit que les femmes qui sont allées à l'université ont plus de chances, ou en fait de probabilités, on dit que c'est généralement reconnu, qu'elles ont des relations anales. Ah. Plus de probabilités de vouloir des relations anales. Ensuite de ça, on revient aux gens qui sont plus fidèles. Les hommes intelligents sont plus fidèles, selon une étude. Quand t'embrasses quelqu'un avec passion, leur ADN va rester dans ta bouche pendant au moins une heure après. Faudrait pas commettre un crime avec la bouche après. Mais non, c'est ça. Il y a environ 100 millions d'actes sexuels par jour dans le monde. 100 millions? 100 millions. Mmh. Comme là, en ce moment, là, ça se passe. Le bon tiers m'appartient. Ouais. 4 relations au travail sur 10 vont résulter, dans le fond, vont mener au mariage. 4 relations sur 10 qui ont débuté au travail. OK. Nous dit-on. Selon nous dit-on, oui. 4 sur 10. Selon le Durex Global Sex Survey, les gens vont perdre leur virginité en moyenne à l'âge de 17 ans. OK. Alors qu'au Royaume-Uni, l'âge est de 16 ans et demi. La tendance est à la baisse? Un petit peu. en moyenne, ça prend entre 12 et 14 rendez-vous avec un couple échange sa clé de maison. Entre 12? Entre 12 et 14 rendez-vous. OK. Des soirées de couple. C'est les... Ouais, c'est ça. Après ça, la confiance règne. Et voilà. 12 à 14 relations, c'est combien en termes de jours et semaines? Tu dois pas sortir à tous les jours, fait que c'est quand même long. Oh, c'est ça, un bon mois et demi. Un mois et demi. Seulement 10% des gens qui quittent leur femme ou leur mari vont finir par marier la personne avec qui ils avaient une relation extra-conjugale. 10%. Ensuite, 50% des hommes disent qu'ils se sentiraient confortables si leur copine avait une amoureuse lesbienne. Non. Bah. 50% des hommes seraient confortables avec ça. Okay. Qu'est-ce que l'acomolitisme? Acomolitisme. Comment ça va? fait que ça, c'est quand tu vas à Bécomo, à Como, Jacomo, la grâce à Como. OK, c'est bon. Puis l'itisme, joie de vivre. Joie de vivre. Acomolitisme, c'est la préférence pour un entre-gens bien rasé, bien entretenu. Ah. Sans poils. Pas pire. La grâce à Como. La grâce à Como. Joie de vivre. Tu l'as dit. C'est doux. Une autre question pour toi. Qu'est-ce que l'anuptaphobie? Derrière, foufoune. Anupta. Ça, c'est quand tu fais des petits pets nerveux. Phobie. T'as peur de faire des petits pets nerveux. OK, donc rien à voir avec les pains pita. Non. Okay. L'anuptaphobie, en fait, c'est la peur d'être célibataire pendant toute sa vie. Oui, c'est ça. Ça serait à peu près ça, parce que si tu fais ça, c'est ça que ça donne. bioénergétique, qu'est-ce que c'est? Je te demande ça, mais ça tu peux rien faire avec ça. Qu'est-ce que c'est la bioénergétique? Il n'y a rien à faire, il n'y a aucun matériel. Non, pourquoi? C'est dans le kinky, ça? C'est dans le kinky. Bio. Énergétique, fait que de l'énergie, de la terre. C'est ça. Non, bioénergétique, c'est une branche de la psychothérapie qui essaie de distinguer entre le climax et l'orgasme. La différence entre le climax et l'orgasme. OK, ça s'appelle bioénergétique. D'accord. Mais ils se sont pas rendu compte que ça existait déjà. C'est ça. Et je te donne un dernier qui, lui, va donner peut-être un petit peu plus de matériel. Qu'est-ce que la gynémimétophilie? OK. Génétique ou gynécologue. Okay. Donc... Choisi, là. T'sais. Oui. Okay. Oui, génétique ou gynécologue. Gynécologue, c'est plus drôle. Oui, c'est plus drôle. Donc, l'art des grottes. Oui. Après ça, c'est quoi? C'est mimé. Mimé, OK. Fait que c'est quand tu joues à Cranium. Non! Là, faut que tu fasses deviner. c'est le Cranium édition kinky. Édition kinky. Ouais. Trouver le point G, ouais. Mais mimé. Gilet mimé. L'image est très bonne. Oui. Avec un petit peu de pâte à modeler là-dedans. Oui. Gilet mimétophilie, c'est l'attirance envers les hommes qui imitent des femmes. Dans le fond, okay. C'est pas nécessairement transsexuel, mais c'est genre, comment t'appelles ça? Bref. Mais il s'habille-tu en femme? C'est l'attirance envers les hommes qui s'habillent en femme. Qui s'habillent en femme. Donc okay. Toi, tu peux être femme ou homme et être attiré par un homme qui imite une femme. Bref. D'accord. C'est la gynémimétophilie. C'est noté. J'ai mis ta réponse. Oui. Ça, un point. Oh yeah. Voilà pour Kinky Sexy Time. Je pense que c'est le premier point que j'ai. Oui, à vie. À vie. Mais en veux-tu un point? En veux-tu un point? Cranium édition Kinky. Pour terminer, Kinky, on y va avec un groupe très représentatif de quelque chose qui sort dans quelque part, mais d'un gros, gros boyau. OK, oui! Oui, c'est Rouge Pompier. C'est Rouge Pompier. Ils ont sorti un vidéoclip. Pour ça? Oui. Wow. C'est Kinky? Oui, c'est Kinky. Ah oui? Je sais pas, j'ai l'écouté là. Pas sur ça. Facebook.com/assemblage, Rick. Le volume mal de mes phases de freak. Vivre pour ma Rouge pompier. Rouge pompier. Ben oui. Il y a un vidéoclip que je viens de mettre là. Il y a de quoi, ce vidéoclip-là? C'est une vidéo qui joue. Wow, tu veux dire que tu peux faire play, puis il y a des mouvements, les images sont comme animées, comme un GIF animé, mais avec du son. Exactement, puis wow. C'est synchronisé. Le son est synchronisé avec l'image. C'est génial. Du jamais. Mais allez voir ça. Il est sur Assemblage Requis, page Facebook. Oui. Ou sinon, si vous tapez Rouge Pompier dans YouTube. Bande de losers! Non, passez par facebook.com, barblique Assemblage Requis. Puis mettez-nous un petit commentaire par le passage, là, du genre. Voilà. Good job! Voilà! Stiff. You know Stiff? J'ai un Stiff. Oui. Hashtag Stiff. Stiff. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le Dîner de cons un certain midi cette semaine. C'est un homme qui drague des femmes avec une Ferrari pour voir leur réaction, finalement. Donc, récemment, on a appris, par le biais d'un jeune YouTuber du nom de Stuart Hedge, qu'il était possible d'obtenir un rendez-vous amoureux grâce à Siri, le logiciel d'aide vocale de l'iPhone. Aujourd'hui, c'est toute une autre expérimentation qui a été effectuée par des jeunes hommes américains. Toujours dans le domaine de la drague, ces derniers se sont demandé s'il était plus facile de draguer si on possédait une voiture de luxe. Je sais pas. Donc, la Ferrari, objet de convoitise pour les dames, on se pose la question. Ce groupe de YouTubers s'appelle True Story Hassa, composé originellement de deux Américains et deux autres ont rejoint le groupe pour le bien de cette expérience sociale. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience sociale. Nous allons voir si les filles nous perçoivent telles que nous sommes ou si elles prêtent plus attention à l'aventure que nous conduisions. C'est ce qu'explique l'un d'eux au début de la vidéo. Pour le bien de cette expérience, le groupe a loué une splendide voiture de luxe, une Ferrari Italia 458 de couleur rouge Ferrari. Toute pimpante et rayonnante, la voiture en question va faire des ravages, comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus. Dans les rues de Las Vegas, aux États-Unis, ce petit groupe a réalisé son expérimentation. Le principe est simple. Réussir à faire monter une ou plusieurs filles dans la voiture en stipulant de ne pas bien connaître la ville et les réactions des jeunes demoiselles sont assez étonnantes. Effectivement, comme on peut le remarquer, les réponses suivent un cheminement bien précis. Les jeunes femmes abordées sont tout d'abord réticentes aux avances des jeunes hommes et toutefois, une fois que ces derniers leur montrent que la Ferrari au loin est bel et bien leur véhicule, celles-ci retournent leur veste et acceptent l'invitation sans poser aucune question. Ça parle beaucoup. La dernière expérimentation est certainement la plus éloquente. Il s'agit d'une jeune femme blonde originaire de Californie et foulant le sol de Las Vegas pour la toute première fois. Alors que le jeune homme lui demande de faire de plus amples connaissances et qu'elle lui fasse connaître la ville, celle-ci refuse dans un premier temps, prétendant qu'ils ne se connaissent pas assez pour accepter. Cependant, une fois que le jeune homme montre que la Ferrari au loin est bien la sienne, la jeune femme change d'avis et accepte de monter à bord. Désolé, c'est une blague, lui lance alors le jeune homme au bout de quelques minutes. La principale intéressée, elle, s'énerve et sort du véhicule en claquant la portière. J'aurais accepté de sortir avec toi si cette voiture était réellement à toi. Donc, ça parle, Et puis, les images parlent beaucoup aussi, Une image vaut mille mots, comme on dit, attends un peu, je vais aller voir. Ça m'intéresse de regarder l'homme qui réussit à draguer grâce à l'application Siri de l'iPhone. Moi, ça m'intéresse. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc, draguer est une chose, utiliser Siri, le logiciel de l'iPhone, en est une autre. Mais lorsqu'un jeune YouTuber associe ces deux activités qui ne sont en aucun cas similaires, cela donne un résultat assez étonnant. Donc, c'est une vidéo qui a été partagée sur la chaîne YouTube de Stuart Hedgie. Comme de nombreux vloggeurs, il met en ligne des vidéos sur YouTube qui répondent à des questions assez farfelues. Pour la vidéo en question, Stuart Hedgie a décidé de tester la drague par le biais de Siri, le fameux logiciel vocal de l'iPhone. « Salut tout le monde, vous savez, Siri peut faire de nombreuses choses pour vous, mais je me suis toujours demandé s'il pouvait vous aider à avoir un rencard et c'est ce que nous allons découvrir. » C'est ce qu'il explique au début de la vidéo. Pour ce faire, le jeune homme s'est donc rendu dans les couloirs d'un campus universitaire. Assis à côté de jolies filles, il allume son téléphone et lance l'application Siri. « Salut Siri, comment je peux faire pour demander à la jolie fille assise à côté de moi de sortir avec moi, demande-t-il à voix haute dans le microphone de son appareil. La réaction des jeunes demoiselles ne se fait pas attendre. Surprise et à la fois charmée par cette technique de drague, elle se retourne vers lui et lui lance quelques sourires. Mais Stuart Edgy ne s'est pas contenté d'obtenir ses petits sourires et de lancer la conversation avec ses proies. Effectivement, le logiciel d'Apple répond « Je ne peux pas vous aider et répondre à votre question, mais je peux essayer d'appeler le mobile de la jolie fille à côté de vous à votre place. » Et aussi étrange que cela puisse paraître, le téléphone mobile de chacun de ses étudiants sonne. La plupart étonnés demandent comment cela est possible. Et pour réaliser cette vidéo, Stuart Edgy a obtenu l'aide de deux autres filles qui, elles, se sont chargées de faire la même chose avec des garçons. D'ailleurs, ces derniers ont plutôt répondu favorablement aux demandes des deux jeunes filles. L'un d'eux a même proposé un déjeuner. De même, Stuart Edgy a bien failli obtenir un nouveau numéro avec cette jeune femme brune. C'était vraiment incroyable et j'aurais vraiment donné mon numéro de téléphone, mais j'ai un petit ami, lui a-t-elle expliqué. Hein? Elle a été charmée, donc. Les techniques de drague, mais il n'y a pas de... Il y a toujours, je veux dire, quelque chose de nouveau à y inventer. C'est comme l'art, c'est comme la musique. Oui, tout a été fait, mais on peut aller un petit peu plus loin et peut-être faire quelque chose. La façon de faire va nous différencier. À Amsterdam, c'est des alcooliques qui nettoient les rues en échange de bière. OK? Moi, je trouve que l'idée est excellente. Donc, 9h du matin, dans un abri de jardin installé à l'arrière d'une maison de quartier d'Amsterdam, bière en main et clope au bec, une dizaine d'alcooliques chroniques se préparent à aller nettoyer les rues avoisinantes. Leur paye pour la journée, 10 euros, un demi-paquet de tabac avec du papier à rouler, et surtout 5 belles grosses canettes de bière à consommer sur place. 2 en arrivant le matin, 2 à midi et 1 en fin de journée. Il s'agit d'un groupe d'alcooliques chroniques responsables de nuisances dans un parc d'Amsterdam, l'Oosterpark, le parc de l'Est, si vous aimez mieux. Donc des bagarres, du bruit, des remarques pas très agréables aux femmes. C'est ce qu'explique Jerry Alterman, en charge du projet pour la fondation de Regenbog. Qui ça veut dire l'arc-en-ciel, financé principalement par l'État ainsi que par des dons. Le but était de les occuper, de leur faire autre chose qui ne pose plus de problème dans le parc, poursuit-elle, précisant qu'ils sont répartis en deux groupes d'une dizaine de personnes et chaque groupe travaille 3 jours par semaine. Adaptation très osée du jeu de l'âne et de la carotte, cette illustration parfaite du pragmatisme à la néerlandaise peut choquer en dehors des Pays-Bas, mais certainement pas au fin fond d'Amsterdam-Est. Moi, je trouve que la façon néerlandaise est magnifique. Ils ont une façon classe de jouer avec tous les tabous. Ils ont une façon de traiter les tabous qui est magnifique. Bravo à la Hollande. Donc, la journée commence vers 9h du matin. Ils reçoivent alors 2 bières et boivent également du café s'ils le souhaitent avant d'aller ramasser des déchets qui traînent dans les rues du quartier. Assise donc à une grande table carrée, Jerry note soigneusement ce que consomme chacun pour éviter que certains n'en boivent trop, mais la confiance règne. Si Jerry est parti faire un tour, ce sont les alcooliques eux-mêmes qui notent leur consommation sans tricher. Je pense pouvoir dire que le groupe, que s'ils nous ne donnaient pas de bière, on ne viendrait pas, assure Frank Claude, qui est un chasuble orange fluo sur le dos, sac poubelle, une pince ramasse déchets à la main. On a besoin d'alcool pour fonctionner, c'est le désavantage de l'alcoolisme chronique, conclut un fataliste. Cet homme de 45 ans assurant avoir fait de la prison pour violence et n'avoir jamais travaillé pour personne et de n'avoir pas de domicile officiel. À midi, de retour à la maison de quartier, ils reçoivent 2 autres bières et un repas chaud, puis repartent pour un nouveau tour de quartier dans l'après-midi. La journée se termine par une dernière bière à la maison du quartier et les nettoyeurs s'en vont vers 15h30. Il faut voir les choses de cette façon. Tout le monde est gagnant, soutient Jerry. Ils ne sont plus dans le parc, ils boivent moins, ils mangent même mieux et ils ont une occupation pour la journée. Hein, donc, c'est un peu plus satisfaisant. Il y a bien des endroits où on donne de l'héroïne à des personnes dépendantes. Pourquoi on le ne ferait pas avec la bière, ajoute-t-il en référence aux maisons de shoot. Les participants au projet se disent tous très contents d'être là et leur participation étant d'ailleurs volontaire. Cela apporte un peu de structure dans nos vies, assure l'un d'eux, souhaitant conserver l'anonymat. Beaucoup d'entre nous ne connaissent plus de structure depuis de nombreuses années. C'est inconnu pour nous et je trouve que cela nous fait du bien, renchérit Frank. Quant aux riverains, eh bien, ils semblent eux aussi très contents et certains saluent les nettoyeurs lors de leur passage. Ils font enfin quelque chose d'utile au lieu de traîner dans le parc, dit une dame sur le pas de sa porte. tout à fait. Mais quant aux effets du projet sur leur consommation d'alcool, les avis sont contrastés. Quand je rentre chez moi, j'ai eu une journée bien occupée et je n'ai pas forcément envie de boire, assure Vincent, 48 ans, qui est un ancien boulanger. Et puis, on a aussi une certaine satisfaction, le sentiment de d'un travail accompli, apporter notre contribution à la société. Malgré le fait que l'on boit, ajoute-t-il. Ce qui est bien aussi, c'est que la bière qu'on nous donne est une bière légère à 5 % et pas une bière à 11 ou 12 % comme je pouvais en boire avant, poursuit-il. Frank, lui, se montre un peu plus cynique. On boit de manière plus structurée, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'on boit moins. Quand on part d'ici, on va au supermarché transformer notre billet de 10 $ en bière. Et les autres jours, on retombe tout bêtement dans nos habitudes, ajoute-t-il. Lorsque le supermarché ouvre ses portes à 8 heures, on est les premiers à aller acheter de la boisson. Ben en tout cas, c'est pas pire, ça c'est clair, et puis ça lui fait quand même, ne serait-ce que 2 personnes sur 20 qui, eux, voient quelque chose de mieux et peut-être voient leur consommation un petit peu descendre, ou en tout cas, ne serait-ce qu'être plus heureux avec eux-mêmes, justement, satisfaction d'un travail accompli. Moi, je pense que déjà, c'est de faire un très grand pas vers un meilleur bien. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Toujours avec Del Ferron? Oui! C'est le moment des instructions d'assemblage. Oh. Nous vous remercions d'avoir acheté le marché. C'est sûr que notre vie va être meilleure. La suite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc, David, toi qui n'as pas l'air de connaître trop les instructions d'assemblage, c'est qu'est-ce que tu disais au début? On a manqué ta phrase que tu disais par-dessus l'intro. La vie va être meilleure grâce à toi. Voilà, c'est vrai ça. Tu vois, ça résume la chronique. Donc, allons-y avec quelques conseils pour mieux vivre notre vie. Quand t'es à l'école, n'importe où, au travail, on nous suggère d'avoir sur soi un paquet de gomme plein, OK? Et un paquet de gomme complètement vide. Donc, quand tu finis un paquet, garde le papier. Comme ça, quand quelqu'un te demande une gomme, tu la sors. Ah, Colin, j'en ai plus, je m'excuse sur ça. Mais après ça, faut juste pas que tu ressors ton paquet de gomme plein pour dire « Hey, il me semble que tu m'as dit que ton paquet était vide. » C'est ça, plus tard dans la journée, t'arrives, t'en manges une, tu te fais pogner, là, main dans le paquet. Main dans le paquet. Ensuite de ça, quand t'as des sacs d'épicerie, donc tu reviens d'épicerie, t'as pris des fruits et légumes dans un petit sac de plastique, et t'es pas capable de défaire le nœud. Okay? Donc, tord. Fais un genre de petit tire-bouchon avec le haut du sac et pousse ce que ça a donné dans la boucle pour faire ressortir ton nœud. Ça va défaire ton nœud, en fond. Ah oui. Tu tords et tu entres dans le trou et ça fonctionne. C'est bien quand même. Ensuite, on nous dit verser du mélange à crêpes sur votre bacon pour faire les meilleures crêpes au monde. Les bacon pancakes sont très populaires sur Internet. Bacon pancakes, ah ouais? Bacon pancakes. Oui, il y a une chanson, tout. Des crêpes au bacon? Mais oui. Manger jamais un mélange de crêpes industrielles sans l'avoir cuit avant, c'est bizarre. C'est pas comme la pâte à biscuits. Là. Non, c'est que il y a comme une espèce d'effet arrière-goût pica-chimique. OK. C'est weird. OK. Ou encore, ça pourrait être bon pour ceux qui aiment ce genre de goût-là. Faut pas juger, mais peut-être que... Non. Ceux qui aiment la drogue. Même pas, personne va aimer ça. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, pour défaire vos écouteurs qui sont complètement... sont remplis de nœuds, vos écouteurs, ça arrive souvent. Donc, ben pas de nœuds, mais sont défaits, sont genre pognés ensemble. Donc, on dit, choisissez un point vers le milieu du fil et brassez vos écouteurs. Et c'est, David est en train de le faire, OK? Mêle tes écouteurs, David. Peut-être pas faire un... Non, là, tu fais un nœud beaucoup... Non, là, tu as fait un nœud beaucoup trop intense. Ça, c'est un nœud qui sera pas défaisant. Impossible, David. Non, tu vas pas, non. Le brasse à partir du milieu du fil. Brasse, shake. Ça va défaire le tout. Et voilà. C'est-tu beau, hein? Ça marche-tu? Pas vraiment. Bref, ça part de marcher tant que ça. Ah, ben... Tu peux revenir au micro. Peut-être qu'il faut le débrancher. Peut-être qu'il faudrait... J'avoue qu'il faudrait le débrancher de... de l'appareil dans lequel t'es soir. Oh, c'est beau, c'est du théâtre radio. On avait dit qu'on le faisait pas. Mais on aime ça pareil. David, t'es de retour? Oui. Ça marche pas plus. Je vais te donner ce conseil-là, mais ne l'écoute pas, s'il te plaît. Si tu veux plus de caféine, toi, je pense que je te le conseillerais pas. Si tu veux plus de caféine, bois du café qui est moins... roast, on dit ça comment en français? Corsé. Moins corsé, parce que plus le café est rôti, okay, plus les grains de café sont rôtis, plus les huiles riches de la caféine vont être perdues. Donc, plus tu le prends rôti, ton café, moins il va être caféiné. Moi, il va être efficace. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que c'est mieux de prendre un café doux. Donc, velouté, quand on dit à la chaise galerie, veux-tu un velouté ou un corsé? Velouté, ça veut dire moins torréfié, moins grillé? Je pense que oui, parce qu'on m'a toujours dit, prenez un café doux, ça va vous réveiller plus. Parfait. C'est ça qu'on retient dorénavant. Donc, merci pour ton aide, parce que pour vrai, je connais pas tant que ça le café. Je vais me chercher un café à chasse galerie. Vas-y, pendant qu'on t'attend pendant la chronique. Je suis sûr que David est capable de dans la chasse, me crier des réponses, puis je vais les entendre. Genre. Non. Je ris pas de toi, je ris T'es avec malade. Toi. Non. Ensuite, un dessert. Le dessert qui va, j'espère, te combler l'appétit, David, c'est ce qu'on appelle le heaven in a bowl, paradis dans un bol. C'est de prendre du pudding à la vanille, OK? De la crème fouettée, OK? Du mélange à brownies et des Reese's Peanut Butter Cups. Hein? Non, mais là, t'as vanille, t'as chocolat, t'as brownie, c'est double chocolat, t'as butter pin, puis t'as crème fouettée. Come on. J'ai faim. Moi aussi. Pour déjeuner, là, come on. Juste dans un petit bol. Nom, nom, nom, nom. Et puis tu mets du sirop d'érable après. Ah non! Du miel. Du sirop d'érable! Ça, c'est David à la chasse qui me criait ça. Il y a eu le temps de se rendre à la chasse, il est revenu. Toute la quête. Ouais, je suis vite. T'es un petit vite. Ouais. Là-dessus, oui. Là-dessus, c'est ça. Pas toute, là. Boire un demi-verre d'eau avant de se coucher et un demi-verre en se réveillant va aider à se rappeler. Ça va dans le fond, ça va donner des cues psychologiques pour te rappeler tes rêves, nous dit-on. On va l'essayer en fin de semaine peut-être. Là. Mais un demi-verre d'eau avant de se coucher, un demi-verre d'eau après, ça va te rappeler ton souvenir, ça va faire des liens dans ton cerveau et tu vas te rappeler tes rêves. Ah ouais, puis si tu bois trop d'eau, tu fais une encéphalite durant la nuit. Ton lit sera pas nécessairement propre à la fin. Je sais pas trop. Ensuite de ça, j'aime ça quand le texte est écrit tout petit, puis je dois rapprocher mon ordi. Je m'en viens. Si mettons, tu te mets à pleurer à un moment inapproprié, tu mettons, t'es comme dans une émission de radio, je te conseille de faire. Oui, mais c'est un très beau son, ça. Ça va interrompre le mécanisme dans ton passage nasal et ton larynx qui contrôle les pleurs, nous dit une experte en méditation de la Caroline du Nord. Donc, plus tu fais ça avec ta gorge, plus tu vas avoir envie d'avaler. Je viens de le faire et j'ai avalé par conséquent après ça. Donc, ça va lever la langue qui va toucher à ton palais, ce qui va bloquer ce qu'on appelle soft palate, ce qui va te rendre, dans le fond, ça va faire que tu vas être incapable de pleurer. Donc, cette technique-là est suggérée, entre autres, aux mariés lors d'un mariage, quand ils ont de la difficulté à lire leur petit texte tout cute, là, je t'aime tellement, etc. Là, bon, tout le monde pleure, fait que tu dois faire et avaler. Ce qui va faire que ta langue va toucher à ton palais. T'auras juste l'air pas chic, mais au moins, tu pleureras pas. T'as le choix de broyer ou de pas avoir l'air chic. Priorité dans la vie, c'est ça. Ouais. Pleurer ou avoir l'air dégueulasse. Ouais. Maintenant, on est en Movember, tu sais, David. Oui. Aux États-Unis, on appelle ça No Shave November. Je sais pas si tu savais ça. C'est un fait quand même. Même non. Si c'est pas la colère, c'est un fait. Si tu fais pousser une barbe pour le No Shave November ou le Movember, mets un petit peu de revitalisant à cheveux, de conditioner, dans ta barbe sèche, ce qui va l'empêcher de piquer. Parce que si il manque d'affaires dans ta barbe, là, ça devient piquant, t'as de la misère à embrasser ta copine, puis là tu fais Movember, puis elle t'aime pas, puis elle veut plus jamais sortir avec toi pendant le mois de novembre. Déjà que la moustache, c'est un très mauvais argument pour conserver le couple. C'est vraiment à proscrire. Hein? Mais pas en plus une barbe rugueuse. Non. Calme-toi pas. C'est ça, arrête là. Fais pas ton viril, là. Tu peux être viril autrement. Si t'as de la misère à faire pipi aux urinoirs en public, commence à, là on nous dit, de faire des multiplications de chiffres au hasard dans ta tête. Donc 8 x 7, qu'est-ce que ça fait? N'importe quoi. C'est la même partie de ton cerveau qui contrôle les deux tâches. Donc faire pipi et compter. Et ça va t'aider à évacuer. Étrange, hein? J'allais aux toilettes. OK, on t'attend. Écris-nous une blague de là, OK? Pipi! Pipi! Pipi, Geneviève! Pipi, Geneviève! David, t'es drôle. Les filles et ceux qui sont, j'imagine, omni-engins. Comment t'appelles ça, les gens qui ont... Hermaphrodite, Caroline, j'ai cherché longtemps. OK, ouais. Donc, qui ont les deux sexes. Qui ont les deux sexes. Bref, les filles, Si tu urines après les relations sexuelles, tes chances de ramasser une maladie transmissible sexuellement vont descendre de façon drastique. Donc, si tu vas faire pipi après les relations sexuelles, mais en même temps, je veux dire, c'est comptez pas là-dessus, mais ça reste un fait. Mordre la peau autour de tes ongles ou retirer ou essayer de mordre la peau de tes lèvres. On fait tout ça, moi en tout cas, je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi je fais ça souvent quand je suis stressé. C'est un mauvais signe, ça indique que t'es peut-être en train de développer un désordre de l'anxiété. Donc un trouble de l'anxiété ou du stress. Oui, il est en train de mordre ses doigts et ses lèvres en même temps, je pense. Est-ce que tu peux faire les deux? Non, je vais mourir. C'est du mime radio, je trouve ça drôle. Ensuite de ça... T'es angoissé. T'as l'air de ça, David Ferron angoissé. Comment t'appelles? Si t'es le conducteur désigné, dis-le au bartender, à la personne qui s'occupe du bar. Des fois, et là, pas partout, mais on nous dit qu'à certains endroits, et je suis pas du genre à sortir dans un bar pour le savoir, là, mais ils vont donner de la liqueur ou de la nourriture gratuitement vu que t'es le chauffeur désigné. C'est cute. Là, c'est un petit peu de type. Puis, ça, c'est chiant, des fois, d'être conducteur désigné. Ça doit, mais tu sais, c'est pour ça que je sors pas. Plus facile. Être capable de répondre avec sarcasme à un commentaire idiot après quelques secondes. Donc, si après quelqu'un fait un commentaire idiot... Mathieu, t'es le net, là, t'as l'air d'un douchebag avec ça. Ben oui, hein, puis t'as l'air de quoi là-dedans, tu sais? Hein? C'est pas très sarcastique, finalement. Mais bon, si t'es capable d'avoir un commentaire sarcastique après quelques secondes d'une question stupide ou quelque chose comme ça, c'est un signe d'un cerveau en santé. Ah! Ben oui. Mathieu, comment qu'on fait des enfants? Ben oui, c'est ça, comme si... mon cerveau doit pas être en santé, j'ai pas de commentaires sarcastiques à faire. Mais on dirait que quand je suis provoqué à en faire, je suis pas capable. Ils viennent tout seuls, fait que si je les pratique, ça marche pas. Ouais, c'est vrai, t'es spontané. Un petit peu plus spontané que ça. Ensuite, comment réparer ton iPhone ou autre téléphone cellulaire qui a une prise d'écouteur? Coupe un bout d'un coton-tige, donc on parle d'un Q-tip ici, donc tu coupes le bout pour qu'il reste seulement un petit morceau de truc à la fin. Là. Dans le fond, t'as comme un embout rond, OK? Il est très, très long. Coupe la fin de ça pour que tu aies seulement le début. Dans le fond, juste le bâton et un petit peu de ce truc-là. Ensuite, tu plonges ça dans l'alcool à friction, sur le côté coupé, évidemment, et tu vas très gentiment mettre ça dans ta prise d'écouteur et tu vas faire quelques mouvements pour enlever les saletés. Mais donc, prenez pas le gros embout de mousse, là. Prenez juste le début de ça. Voilà. Sinon, vous risquez de mettre toute la mousse dedans. C'est exactement ça. Ensuite, eh bien, évidemment, c'est la technique pour se faire un petit muffin matinal là, dans un restaurant fast-food. Là, vous savez, qui font des rondelles d'œufs dans les restaurants, tu sais, genre un McMuffin, etc. Donc, vous pouvez faire la même chose à la maison. C'est de prendre une plaque à muffin et de mettre les œufs dedans. Tu mets ça au four à 350 degrés, c'est important la température, 350 degrés, entre 15 et 20 minutes. Et ça va faire exactement la bonne grandeur pour mettre sur un muffin anglais. Et évidemment, tu peux choisir, contrairement à chez McDo ou peu importe, hein, tu peux choisir de péter les jaunes ou pas. Ah ouais? Parce que dans des restaurants de fast-food, ils vont tout le temps péter ton œuf pour que ce soit une galette d'œuf. Ouais. Toi, tu peux garder l'œuf comme il est là. Et moi, j'aime ça quand ça me coule dans l'œil. Ouais, c'est sûr. Un bon œuf, t'as l'impression que c'est un vrai œuf et non de quoi qui est cuit pendant 2 mois. Là. C'est exactement ça. Et surtout que certains restaurants de fast-food vont faire leurs œufs assez à l'avance. Donc, c'est pas toujours bon. Mais je pense qu'il y a quand même des normes d'hygiène là-dessus. Oui, tout à fait. Mais il y a des restaurants qui sont un petit peu plus du genre à les suivre que d'autres. Ouais. Ensuite, tiens, quelqu'un nous recommande sur Internet d'avoir, et là, ça va paraître un petit peu freak, mais d'avoir 6 serrures sur sa porte de maison. 6 trucs pour barrer la porte. Sa théorie est d'en barrer seulement 3. Okay? Comme ça, si le voleur essaie d'ouvrir, de trafiquer la serrure, il va tout le temps être en train de soit barrer une serrure ou débarrer l'autre. Fait qu'il pourra jamais rentrer parce qu'il va tout le temps avoir au moins une qui va être barrée ou débarrée. Celles qui sont barrées, il va débarrer. Celles qui sont débarrées, il va. Tu comprends, genre? Ouais, c'est drôle. Un petit peu, c'est un conseil, mais je pense que si t'as 6 serrures sur ta porte, c'est que t'as l'air vraiment fou. Mais si un voleur comprend le principe, il va catcher. Mais comment il va faire pour savoir laquelle qui est débarrée et laquelle qui n'est pas débarrée? C'est ça le truc, pour vrai, ça fonctionne dans ma tête. Là. C'est que dans le fond, faut que t'effaces une par une. À un moment donné, quand tu comprends qu'il y en a une qui est barrée et l'autre débarrée, que 6 poignées, à un moment donné, tu comprends. Oui, que... c'est comme à 6,49. Si tu finis par choisir les chiffres, à un moment donné, il y en a un qui va être bon, puis l'autre va être bon, puis l'autre sera plus bon. Essai-erreur. Si tu veux éviter de faire OK, si t'es en train d'essayer de pas faire le ménage, si t'es tout le temps en train de remettre à plus tard ton ménage, bon, je vais le faire plus tard. Essaie juste une petite période de 4 minutes de nettoyage. Et c'est souvent tout ce que ça prend, 4 minutes en général dans la vie, pour être assez motivé pour vouloir finir la tâche. Donc, tu fais 4 minutes de vaisselle. Une fois que t'es embarqué, tu t'en rendras même plus compte. Tu vas juste vouloir finir pour t'en débarrasser. 4 minutes, je trouve déjà que c'est une éternité. Mettons 2. Est-ce que c'est correct, 2 ou c'est... Peut-être 2, mais moi, on nous dit qu'en théorie, psychologiquement parlant, 4 minutes, ce serait le minimum. Mais bon, tu peux t'essayer à 2 minutes. Puis en même temps, peut-être que tu vas tellement vouloir me prouver que j'ai tort en disant 4 minutes que ça va fonctionner pour toi avec. Ouais, ben déjà, 4 minutes, ben c'est vrai que c'est pas ça, c'est juste moi qui est lâche. Ben toi, c'est que 4 minutes, ça en passe pas mal de choses dans ta tête en 4 minutes, là, t'sais. Ouais, mais... T'as le temps d'aller faire pipi, aller aux toilettes, à chasse-galerie, puis... Puis d'être stressé, puis d'essayer de pas broyer. C'est ça. ensuite, une... tiens, si vous avez mal à la gorge, OK, on nous dit de prendre du Jell-O. Du Jell-O. Donc, mélangez votre saveur préférée de Jell-O, mais à la place de le refroidir, réchauffez-le au micro-ondes pendant 30 secondes. Ensuite, ajoutez une cuillerée à thé de miel. Les experts disent que la gélatine chaude va englober, enrober votre gorge et le miel a des propriétés antimicrobes qui vont aider à tuer les bactéries. C'est selon tesh.com. Ben, le miel, c'est vrai, c'est qu'on dit, mais le miel, ça fait du bien. C'est pas miracle, mais un autre truc aussi qui est un petit peu moins délicieux, mais qui marche quand même. Vieux truc de grand-mère, eau chaude, une cuillerée à thé de sel, un zeste de citron, du miel, vous gargarisez ça. Okay. Non, vous mettez aussi un bouchon de Listerine. De Listerine, excuse? Oui, du Listerine à cause de l'alcool. Le rince bouche, okay. Parfait. Passe à désinfecte. Vous rincez ça dans votre gorge jusqu'à temps que votre demi-verre, parce que c'est un demi-verre en fait, soit vide. Mais là, tu l'avales? Non, non, c'est juste te gargariser dans la gorge. Ok, tu le rejettes après, ok, parfait. Oui, tu le rejettes après. Puis là, on sent mieux. Ça guérit pas, mais on sent beaucoup mieux après. OK, cool. C'est bon parce que moi, Listerine, le rince-bouche et la pâte à dents, je pense qu'on conseille de ne pas ingérer ça complètement. Non, c'est sûr, le Listerine non plus, mais c'est juste qu'à cause de l'alcool, ça désinfecte les microbes. Cool, j'aime ça. Tantôt, on a parlé de téléphone cellulaire un petit peu. Android, si tu perds ton téléphone Android dans ta maison et qu'il est sur vibration, OK? Son téléphone Android est sur vibration, tu peux aller sur le Google Play Store sur Internet, sur un ordinateur, aller dans appareil Android, le Android Device Manager, et il y a une fonctionnalité Ring. Tu peux faire du web sonner ton téléphone Android. Wow! C'est cool, hein? Mais si est juste à off, ben pas éteint, mais ni vibration ni son, ça marche pas. Ça marchera pas, c'est ça. Ben j'imagine que si il est, ben je sais pas parce que ça dit ring, donc j'imagine que s'il est sur sonnerie, il va sonner quand même. Mais essayez là, c'est dans le Google Play Store sur Android Device Manager. Ensuite de ça, toujours dans les instructions d'assemblage où on vous propose quelques trucs et astuces pour mieux vivre votre vie. Si vous allez dans un fast-food prendre un café ou une boisson gazeuse, souvent le verre. Dans plusieurs commerces, le verre, ça paraît pas, mais il y a des petits trous. Et les trous sont faits pour fonctionner avec votre verre. Donc, vous pouvez mettre votre couvercle sur la table et insérer votre verre dans les trous. Et ça va faire un sous-verre pour pas avoir des anneaux de liquide tout le tour. Ça va... Pardon, la condensation et tout ça va aller sur le couvercle à la place. Ah, c'est le couvercle pensé. Est fait pour... Ben, ben. On le sait pas, mais c'est fait pour ça. Ensuite, tiens, si vous avez un appareil à la maison que vous voulez pas que personne branche, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, là, genre tu veux pas que quelqu'un t'emprunte ton fer à friser ou ton séchoir, peu importe, achetez-vous un minuscule cadenas de journal intime. Tu sais, les petits cadenas qui ont vraiment un petit anneau. Les cadenas, tout ce qui est le plus commun avec une clé. Là, et insérez cet anneau-là dans le trou qui est au bout du fil de courant. Au bout du fil de courant, souvent il y a un trou. Tu vas pouvoir juste passer le cadenas dedans et les gens pourront pas le brancher dans le mur. Bon, c'est simple et efficace, même si pas très utile. ensuite, quand vous êtes dans la maison et que les escaliers ont tendance à craquer, c'est le cas chez nous, c'est le cas, donc on vous dit de marcher dans les escaliers le plus près de la rampe et non pas du côté opposé parce que ça va éviter les craquements. Et d'ailleurs, pour les portes aussi, si les portes ont tendance à grincer, levez un petit peu la porte de ces gonds. Et avant de l'ouvrir, ça va empêcher de faire vraiment le craquement. Aussi, vous pouvez juste mettre du jiggle. Aussi. Vieux truc. De grand-mère, dans le temps, le gigalou. Oui. Ça date des années 1800. La nourriture ne goûtera pas aussi mauvais après avoir brossé vos dents. Si vous suivez ce conseil-là, c'est de vous rincer avec de l'eau très, très chaude après vous être brossé les dents. Il n'y aura pas d'arrière-goût de menthe. Donc, de l'eau très, très chaude, gargarise, rejette et ensuite, on mange et tout fonctionne. Évidemment, c'est sûr que manger après avoir brossé ses dents, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Non, normalement, il faut manger et après se brosser. D'habitude, l'ordre des choses. Ouais. Prendre un bain, ça va renforcer votre système immunitaire, alors que prendre des douches va aider à la créativité et à la prise de décision. Donc, choisissez. Ça veut dire qu'on prend souvent des douches, Mathieu. On prend souvent des douches pour être créatif comme on l'est là. Pas ensemble? Non. Chacun son bar, mais ouais. Une fois rendu à la radio, on est capable de dialoguer. Puis ben oui. Avoir des bonnes discussions. Il nous en reste quelques-uns, je ne sais pas trop quand arrêter. Si tu veux changer, tu es sur Xbox Live, OK? Les jeux vidéo Xbox Live, bon. Et tu veux changer ton gamer tag, tu peux demander, et ça a l'air un petit peu croche, mais tu peux demander à tes amis de rapporter ton gamer tag comme étant offusquant, offensif, là, genre, qu'il y aurait un mauvais mot dedans. Et donc, Microsoft va te forcer à changer ton gamer tag gratuitement. Ça vaut la peine de l'essayer au moins. Donc, que quelqu'un le rapporte comme offusquant. Ensuite, utiliser une bouteille de ketchup. Tu sais qu'on retrouve dans les magasins à 1$. Tu as souvent une petite bouteille de ketchup avec un embout de plastique là, pour squirter. Là. Donc, utiliser l'embout de cette bouteille de ketchup-là sur ton aspirateur pour nettoyer ton clavier, ton, je sais pas, ton téléphone, la petite crevasse d'écouteur de ton téléphone ou n'importe quel autre appareil électronique. Donc, l'embout d'une bouteille de ketchup sur le bâton, le tuyau d'aspirateur. Ben, c'est pas bête parce que des fois, il y a des coins qui sont pas nettoyables parce que justement, ton embout d'aspirateur est trop gros. Et on veut pas tous avoir un mini aspirateur là, à main. Ça coûte cher. Non, c'est ça. Mm-hmm. Donc voilà, moi, ça fait mon affaire pour les émissions d'assemblage pour aujourd'hui. C'est cool, hein? C'était assez, ça? Ben oui, non? Grâce à toi, j'ai pu pleurer, arrêter de pleurer, prendre un bon café, calculer pendant que j'étais aux toilettes. Grâce à toi, j'ai pu faire ça en une seule journée, même pas en une demi-heure. En même pas une demi-heure. Et je suis sûr que si tu retournes chez vous à l'instant, tu vas mettre ces trucs-là en pratique et tu vas pouvoir me crier de chez toi. Oui. Merci, Mathieu! C'est n'importe quoi. Voilà donc pour les instructions d'assemblage, tous les liens vers les photos et tout ce que j'ai mentionné sur assemblagerequis.com. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. C'est le top 38, drôle de chiffre, je sais pas pourquoi, mais des choses les plus chères du monde, quand luxe et ridicule ne font qu'un, vous allez voir, il y a peut-être des trucs que vous allez vous payer, mais bon, un petit peu ridicule. Le hamburger, premièrement, le hamburger le plus cher du monde. Donc, c'est un cumul d'ingrédients onéreux associés de manière ridicule, entre autres du bœuf de Kobe, l'excellent bœuf, c'est tous des bons ingrédients, là, gruyère fondue au champagne, homard, caviar, truffe et foie gras. Ajouté à cela, donc, il faut acquérir et tombé sur le Food Truck 66 qui sillonne New York. Le mec qui le conduit est habillé en vison et ce n'est plus de la gastronomie, c'est de l'art contemporain. Donc, c'est dans un food truck qu'on peut acheter ce hamburger à $666 américains. Quand même. Sinon, la bouteille d'alcool la plus chère du monde à 2 millions. À ce prix-là, votre litre de Henri IV Cognac du Dudognon Héritage Grand Champagne vous est servi dans une bouteille en cristal sertie de 4 kilos d'or. Hein? 4 kilos d'or, 24 carats et de platine agrémentée de 650 pierres taillées par le joaillier José de la Vosse. Donc, c'est parfait pour le bling-bling, ça. Hein? Ne vous demandez pas dans quelle poubelle la jeter une fois qu'elle est vide. Hein? Non, peut-être garder la bouteille. C'est peut-être la meilleure idée. Sinon, le téléphone le plus cher du monde, c'est du diamant à gogo et notamment du diamant rose, particulièrement très rare pour ceux qui en avaient marre des iPhones noirs ou blanc, ou même du dernier. Là. Or, non, à ce prix-là, vous êtes en droit d'espérer un chargeur gratos et éviter au moins 24 mois d'engagement chez votre opérateur. Donc, 8 millions pour le téléphone le plus cher du monde. 8 millions. Oui. Sinon, la guitare la plus chère du monde, wow, une Fender Stratocaster dédicacée par Eric Clapton lui-même, Jimmy Page, Mick Jagger, Brian Adams, Keith Richards, Paul McCartney et Sting, entre autres. La somme a été reversée à des victimes du tsunami de 2004. Imaginez la guitare la plus chère du monde avec 2,8 millions de dollars. Quand même, hein? Toute une guitare. Sinon, la pizza la plus chère du monde à 12 000 $. Soyons clairs, vous ne ferez pas livrer cette petite pizza dans les 30 minutes où c'est gratuit, hein? Ce qui fait le prix absolument ridicule de cette pizza et entre autres les 72 heures nécessaires à sa confection. Entre autres du homard, trois types de caviar, du sel marin. Et si vous n'aimez pas la pizza aux fruits de mer, vous venez d'économiser au moins 12 000 $. Hein? C'est pas si pire. Sinon, le jeu d'échecs le plus cher du monde, celui-là à 9,8 millions de dollars, c'est le français Bernard Maquin qui est le papa de cette petite merveille. Et pour être sûr d'être pris au sérieux, l'armée s'est mis tout ce qu'il pouvait trouver dedans, de l'or, des diamants, des saphirs, des émeraudes, des rubis et des perles, hein, avec un petit peu de platine pour finition, du très beau boulot de joaillerie. Sinon ici, la robe de mariée la plus chère du monde. Seulement 12 millions, fruit de la collaboration entre le propriétaire d'un magasin spécialisé dans les mariages et d'un bijoutier réputé. Cette robe totalise 150 carats de diamants. Imaginez la bague de mariage qui va avec. Sinon, ça c'est hot. Le sachet de thé le plus cher du monde. Sachet de thé à 14 000 $ pour célébrer donc dignement son 75e anniversaire. La société britannique PG Tip a eu l'idée de concevoir un sachet de thé affublé de 280 diamants. La boisson nationale est manifestement prise au sérieux en Angleterre. Sinon, le costume pour monsieur le plus cher du monde à 829 250 $. On aurait pu dire 800 000 ou 900, ça aurait fait de la même chose. Ça prend 800 heures de travail, du cachemire, de la laine et de la soie, ainsi que quelques diamants par ici et par là pour le confectionner. Sinon, le jeans le plus cher du monde, celui-là à 27 000 $. Premièrement, il est laid. Moi, en tout cas, je le trouve vraiment laid. J'aurais pas le goût de me promener avec ça. Et en tout cas, c'est Damien Hirst avec la collaboration de la firme Levi Strauss, donc, qui a accouché de ce jeans audacieux et bariolé, donc à peine portable, disponible en plusieurs coloris. Il faut pourtant débourser une somme indécente pour se l'approprier, pardon, et disposer de beaucoup de courage et surtout d'autodérision pour le porter. C'est vraiment ridicule. Sinon, le chien le plus cher du monde à 1,5 million de dollars. Quelques caractéristiques vont faire de votre chien un placement financier. Assurez-vous de la pureté de la lignée, de son origine exclusive dans un coin du Tibet. Et faites ensuite courir le bruit que Genghis Khan a eu le même. Baptisez-le autrement que Poupette ou Sultan. On pourrait dire, on l'appelle Hong Dog. Ou « Sensation » en français devait faire l'affaire. OK. OK. Bonjour, mademoiselle. Le soutien-gorge le plus cher du monde. Moi, c'est la dame derrière qui m'intéresse. 10 millions pour le « Fantasy Bra ». Donc, une brassière agrémentée de plusieurs pierres précieuses. Surtout celles qui le portent. L'appartement le plus cher du monde. Petit appart à 300 millions d'euros. Il se situe à Monaco, en haut de la tour Odéon, et fait pas moins de 3300 mètres carrés. On va se laisser sur le dernier. Après, on va aller en musique. On va revenir parce que c'est 38, quand même un top 38. On va faire ici le kit Bluetooth le plus cher du monde, 50 000 $. Ben, c'est pas si pire après tout ce qu'on vient de voir comme chiffre astronomique. Et c'est pour aller avec votre nouveau smartphone plaqué or. Évidemment, il reste très abordable, hein, seulement 50 000 $. Sur ce, eh bien, on va aller en musique avec la formation Outek. Je vais choisir une pièce à l'instant. Et je vais continuer mon top des choses les plus chères du monde et surtout les plus ridicules. Donc, on y va avec la pièce Robothérapie sur l'album de Outek. Je vous dis, restez là et profitez-en. Yeah. Formation Outek avec la pièce Robot Thérapie. Vous êtes toujours dans le dîner de cons. Il est midi 20 et j'étais en train de faire un top 38. Drôle de top, hein? Mais des choses les plus chères du monde quand luxe et ridicule ne font qu'un. Tantôt, le dernier truc qu'on a parlé, c'était un Bluetooth à 50 000 $. Cette fois-ci, on parle d'enceinte acoustique, des bons vieux speakers, des haut-parleurs, donc des enceintes acoustiques à 1 million. Vous voulez faire le tour, vous voulez faire taire, pardon, votre cousin qui fait du tuning et qui adore se la péter en balançant de la techno horrible dans sa petite Golf, eh bien, achetez ces enceintes qui crachent pour 1 million de dollars. Alors, OK, c'est un investissement, mais as-tu entendu les basses, hein? Les basses, c'est extraordinaire. Mais moi, je trouve que pour des enceintes acoustiques, 1 million, oui, c'est très cher, mais comparé à des hamburgers à 666 $ ou une robe de mariée à plusieurs millions, ou moi, je trouve que des enceintes acoustiques sont vraiment de qualité et je te dis pas que je peux les payer, mais je peux un peu plus comprendre. Il y a de la technologie, il y a du savoir-faire, il y a de l'ingénierie là-dedans. C'est quand même quelque chose. Sinon, le livre le plus cher du monde, seulement 30,8 millions. Il s'agit du Codex Leichtkaister, une collection d'écrits essentiellement scientifiques de Léonard de Vinci, qui a été écrit dans les années 1500 quand même. Elle a été vendue aux enchères en 1994. Mais on tient un livre écrit par Léonard de Vinci quand même dans nos mains. 30,8 millions de dollars. Sinon, la photo la plus chère du monde. Et puis, c'est une belle photo, mais si vous verriez la photo, sérieusement, on peut en faire des pas mal semblables. Hein? Donc, c'est une photo du Rhin 2 de l'artiste allemand Andreas Gursky. Elle a été prise en 1991. Et elle vaut 4,3 millions de dollars. Je connais, moi j'ai plusieurs photos et puis j'ai beaucoup d'amis qui font de la photo. Et on devrait s'y mettre, hein, parce que 4,3 millions pour une photo du genre, en tout cas, c'est magnifique. Sinon, la photo People la plus chère du monde est à 15 millions. Il s'agit d'une photo de naissance des jumeaux d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, Knox Leon et Vivienne Marcelli Jolie Pitt, qui a été achetée par les magazines People et Hello. Allez voir, 15 millions de dollars pour une photo de Brad Pitt. OK. Tu sais, 15 millions pour une photo de Brad Pitt, moi, je trouve que des enceintes acoustiques à 1 million, c'est comme pas cher. La pièce de monnaie la plus chère du monde est une pièce qui vaut 10 millions. Il s'agit du dollar, le Dollar Flowing Hair, la toute première pièce de monnaie qui a été émise aux États-Unis en 1794. La valeur originale, eh bien, c'était 1 dollar. C'est passé de 1 dollar à 10 millions. Sinon, le divorce le plus cher du monde, eh bien, il a coûté 2,5 milliards de dollars. Il s'agit du divorce d'Alec Wildenstein, un milliardaire français à la tête de la plus grande collection privée d'art du monde, avec sa femme Jocelyn Wildenstein, tristement célèbre pour ses multiples opérations de chirurgie esthétique. On vous laisse la googler, allez voir ce que ça donne. Sinon, le complexe immobilier le plus cher du monde, celui-là, mais là, on parle d'un complexe immobilier. Il y a 3 buildings, puis bien du béton là-dedans. 6 milliards de dollars. Il s'agit de l'énorme complexe hôtelier Marina Bay Sands à Singapour. Et pour ce prix-là, vous avez 2600 chambres sur 3 hôtels, 55 étages, un casino, un musée. Et c'est sûr, l'une des plus des piscines les plus incroyables du monde en plus là-dessus. Sinon, si vous voulez vous offrir la voiture la plus chère du monde, eh bien seulement, vous auriez à débourser 36 millions de dollars. Et le modèle, eh bien, il s'agit d'une Ferrari GTO de 1962 qui a été produite à seulement 36 exemplaires. Sinon, la ville la plus chère du monde, OK. Eh bien, il s'agit de Tokyo au Japon. On parle bien souvent du coût de la vie, hein, mais pas du prix de la ville. On ne nous donne pas le prix, mais c'est la ville la plus chère du monde. Sinon, le film le plus cher de l'histoire, eh bien, c'est Le Pirate des Caraïbes, 300 millions de dollars. Le 3, là, jusqu'au bout du monde. Et on nous dit peut-être le plus mauvais de la saga aussi, comme quoi c'est pas le prix qui donne la qualité, hein? Et puis maintenant, on vient de voir que l'industrie du jeu vidéo, eh bien, on dépasse ça. Ça a coûté plus cher que ça, faire GTA 5, justement, quand même. Sinon, le clip le plus cher de l'histoire, eh bien, à 7 millions de dollars, c'est le duo Jackson, Michael et Janet Jackson qui ont remporté la palme avec le clip de la chanson Scream en 1995. C'était un clip qui avait quand même révolutionné, qui était très, très joli, très esthétique. Une belle photo là, dans ce clip. Même si j'aime pas vraiment Michael Jackson. La peinture la plus chère du monde, eh bien, à 269 millions de dollars. Il s'agit du tableau Les joueurs de cartes de Paul Cézanne, qui a, donc en 1892, et il a été vendu à la famille royale du Qatar pour 269 millions de dollars. Sinon, la sculpture la plus chère du monde, elle, à 104 millions de dollars. Il s'agit de la sculpture L'homme qui marche de l'artiste suisse Alberto Giacometti. Quand même, moi, je ne veux pas nécessairement chez nous, cette sculpture. Mais bon, hein, qui suis-je pour critiquer l'art, surtout quand elle vaut 104 millions? Le disque le plus cher de l'histoire, 200 000 livres sterling. Il s'agit d'une reprise de la chanson « That Be the Day in the Spite of the Hall of the Danger » par le groupe The Quarrymen en 58. Ce petit groupe amateur est composé, entre autres, de John Lennon et de Paul McCartney et même de George Harrison. C'était l'embryon des Beatles. Le disque s'est vendu le plus cher du monde. Sinon, le joueur de foot le plus cher de l'histoire, 91 millions d'euros. Il s'agit de Gareth Bale, le joueur gallois transféré de Tottenham Hotspur vers le Real Madrid. On ne sait jamais, dans le monde du foot, hein, on a toujours des quantités incroyables d'argent. Le jeu vidéo le plus cher du monde, donc c'est la cassette de jeu, le jeu en tant que tel, pas celui qui a été le plus cher à produire, mais le jeu vidéo le plus cher du monde a été vendu à 32 948 $ et il s'agit du jeu Stadium Event sur NES, donc le Nintendo Entertainment System. C'est un jeu d'Olympique. Moi, je me rappelle d'avoir joué à ça, mais avoir su hein, que ce jeu vaut... 32 000 $ on aurait gardé nos vieilles cassettes. La montre la plus chère du monde, impossible d'y voir l'heure, 25 millions de dollars. Le nom du modèle, c'est, on le sait pas, mais en tout cas, il y a 201 carats et c'est Chopard qui l'a fait. Sinon, si on s'en va vers le yacht le plus cher du monde, eh bien, à 800 millions, il s'agit de l'Eclipse. C'est un yacht de luxe qui appartient à l'homme d'affaires russe Roman Abramovich. Il s'agit du bateau privé le plus long du monde aussi, à 162,5 mètres. Et niveau équipement, on est pas mal équipé. Deux pistes d'hélicoptère, deux vedettes d'appoint, une seule piscine, plusieurs jacuzzis, un cinéma, un sous-marin miniature, un aquarium, un système de détection de missiles, eh oui, et 24 cabine dotée de vitres pare-balles au cas où, hein, quand même. On achève, il y en a 38, on est rendu à 33, si vous êtes intéressé encore. C'est la voiture maintenant la plus chère du monde, prix d'achat neuf, parce qu'on avait l'autre, là, la Ferrari. Ici, la voiture donc de série, on pourrait dire, la plus chère du monde, à 3,3 millions de dollars. Il s'agit de la Lamborghini Veneno Roadster, pardon. La moto la plus chère du monde, magnifique, assez extraordinaire. Il s'agit de la Dodge Tomahawk. Elle est vendue à 390 000 livres sterling. C'est une moto mi-moto. C'est un engin ovni à quatre roues et n'a été produit qu'à 9 exemplaires. Sa vitesse maximale théorique est de 483 km/h. Donc, assez rapide. La chambre d'hôtel la plus chère du monde, si vous tentez de vous payer un petit luxe cette nuit, à 53 000 $ la nuit, il s'agit de la Royal Penthouse Suite du président Wilson Hotel, donc à Genève, en Suisse. L'instrument de musique le plus cher du monde, maintenant, c'est un violon, un Stradivarius Lady Blunt, fabriqué à la main au 16e siècle par le luthier italien Antonio Stradivari, et il est évalué à 15,9 millions de dollars. Pour un violon. La publicité la plus chère du monde, 30 millions de dollars. Il s'agit de la pub de Chanel numéro 5 avec Nicole Kidman en 2005. Et au résultat, on peut estimer que ça fait très cher la minute et ça fait très cher le millilitre de parfum. Sinon, la dernière, le nom de domaine. Imaginez un nom de domaine, c'est rien, là, c'est du vent. Eh bien, qui a été vendu le plus cher, c'est insure.com, oui, de l'assurance. à 16 millions de dollars pour un nom de domaine. Imaginez. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Voici François Landry et Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Hey. Aujourd'hui, c'est la charte, notre sujet. Oui, la charte, trois petits points. C'est, ça laisse un certain suspense. C'est du suspense, mais comme tout film d'horreur, on connaît déjà la fin. On sait que t'as beau crier, t'as beau t'enfuir en gueulant, tu vas mourir pareil. C'est ça. Ouais. Bon. On sait dans quel ordre les gens vont mourir. Souvent, c'est la jeune fille. La noire. L'aventureuse au début. Oui, l'innocente qui rouvre la porte alors qu'il faudrait pas qu'elle rouvre la porte. Puis là, le couteau sort. Ou qui répond au téléphone. Puis quelqu'un dit « J'ai su ce que t'as fait hier soir. » Mais Véronique Yvon, c'est comme la petite nounoune qui essaie de s'en sortir, mais qui se rend pas compte qu'il y a une peur derrière elle. Véronique qui, t'as-tu dit Véronique Yvon? Oui. Non, là, je suis pas d'accord. Non, mais dans le sens que c'est la pauvre petite victime qui fait des choses correctes, mais qu'on n'en entend jamais parler, puis qui fait crever au début du film. OK. Fait que le parallèle avec l'horreur dure beaucoup trop longtemps. Oui, beaucoup. Donc, la charte, trois petits points, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est positif, négatif? C'est quoi ça? À la lumière, ben, comme tout bon film d'horreur, on va attendre à la fin, puis tu me donneras ton opinion. OK. OK. Bon. Il y a eu une nouvelle mouture. Il y a eu, enfin, le projet de loi qui était déposé il y a une semaine. On attendait ce moment avec tellement d'impatience que quand c'est sorti, c'était « Ah, OK, c'est là. Là, c'est go. » Fait que, est-ce une version plus dure ou au contraire moins stricte que le projet initial de la charte? J'en avais parlé ici au début de la session. Une période de transition variable est-elle l'équivalent d'un droit de retrait? Un hôpital, par exemple, pourra-t-il garder sa dénomination religieuse et continuer de permettre des signes ostentatoires? Si c'est l'hôpital juif, mettons. Entre autres, on le dit pas. Congédierait-on des employés des services publics et parapublics qui refuseront de retirer leurs signes religieux? Le crucifix, on l'enlève ou non du salon bleu de l'Assemblée nationale? Ça passe le test constitutionnel ou non? Un établissement pourra-t-il, selon sa clientèle, son personnel et ses particularités socio-démographiques, obtenir des dérogations au cas par cas? Tant de questions sans réponse. Pour un projet de loi tellement attendu après des mois de ballons d'essai dans les médias et qui devait clarifier les détails complexes de la cohabitation de la société québécoise, disons que le document déposé jeudi dernier par Bernard Drainville, ce cher Saint-Bernard, ajoute plutôt une bonne couche de flou. C'est la charte du flou. Entre autres contradictions, on officialise le régime du cas par cas pour les établissements publics en fonction de leur historique et des conditions de leur création, ainsi que de leur caractère continu ou en vertu de critères spéciaux. Donc, suivre la tradition, parce que ça a toujours été comme ça, il faudrait que ça continue. Ça fait partie du patrimoine maintenant. Okay. Comme l'hôpital juif de Montréal va garder sa dénomination juif parce que c'est historique, c'est patrimoine, c'est culturel. Bon. Par contre, toutes les nouvelles institutions ne pourront pas porter l'hôpital musulman de Trois-Rivières ou la radio C'est fou Sikh de Trois-Rivières. Donc, c'est un droit acquis. C'est un droit acquis. C'est ça. D'accord. Exact. Donc, autrement dit, l'hôpital juif de Montréal, comme on dit, peut prendre, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, parce que c'est quand même lui qui est le symbole de cet article-là, continuera de s'appeler ainsi, gardera le droit de permettre les signes religieux dans ses murs aussi. Donc, pas seulement le nom, mais l'habillement ou... Les étoiles de David, peu importe, partout, il y aurait le droit. Okay. Exactement, ou l'équipe pas sur la tête de certains hommes. Donc, mais l'éducatrice de CPE ou en service de garde scolaire de l'autre côté de la rue, juste en face, devra retirer son hijab ou perdre son modeste emploi. Okay. T'as le choix. Bon, tu te déshabilles ou tu perds ta job. Okay. C'est carrément ça que la charte dit. Idem pour le médecin sikh qui pratique depuis des années. Il pourra vraisemblablement garder son turban et son job en vertu d'une demande de son employeur, mais un jeune co-religionnaire actuaire de formation, par exemple, ne sera pas embauché à Revenu Québec parce qu'il refuse de se découvrir la tête. Donc, quand t'es nouveau, t'as pas le droit, mais quand t'es un vieux, t'as un droit acquis, c'est... T'es comme bien assis dans ta crasse, tu bouges pas. Ouais, c'est ça. C'est dur de faire changer les gens. C'est long. La machine est longue. Mmh. Donc, le royaume de l'arbitraire, du cas par cas, des critères spéciaux. Donc, tout est discriminatoire. Voilà. Consultations. Y a-t-il eu des consultations pour enfin avoir une charte digne de ce nom? C'est vrai qu'à part une parodie de consultations sur Internet, le gouvernement n'a pas déposé d'études ou d'enquêtes scientifiques sur la nécessité d'une intervention législative pour interdire le port des signes religieux ostentatoires pour les employés de l'État. T'as pas le droit de dire port, par contre. Non, les Juifs. C'est vrai. Ah. C'est port. Mais Bernard Drinville s'est pas fié sur les opinions des gens qui ont attendu au dépanneur? Entre autres, oui. Il disait au coin de la rue, on me dit qu'il aime pas les turbans, donc je mets ça dans ma charte. Ça fait très sérieux pour un ministre qui aspire au poste de premier ministre un jour. C'est d'autant plus surprenant que depuis son élection, ce même gouvernement a lancé une quinzaine de chantiers, de comités de travail, de groupes d'études sur des sujets beaucoup moins historiques. Donc la liste est longue, juste pour vous démontrer le ridicule de la chose, je les ai toutes ressorties. Ah, yeah! Tout ce qu'on a fait depuis septembre 2012, OK? OK. La charte, on n'a rien fait, mais regarde bien le restant. Le gouvernement, pardon, a créé un comité sur les nominations politiques, un chantier sur l'avenir énergétique, un groupe de travail sur le financement, la gestion et la gouvernance des commissions scolaires, une consultation sur la politique nationale du sport, du loisir et de l'activité physique. Il a créé la commission Ménard sur le printemps étudiant. Il a mis sur pied la commission du CEP sur l'assurance-emploi. Il a tenu un rendez-vous de la forêt québécoise de 2 jours à Saint-Félicien. L'instigation de la première ministre, le député tout cute Léo Bureau-Bloin, a parcouru la province pour consulter les jeunes sur une nouvelle politique jeunesse. Le ministre de l'enseignement supérieur, Pierre Duchesne, a fait précéder son sommet sur l'enseignement supérieur par 4 rencontres thématiques, dont une à Trois-Rivières. À la suite de son sommet, en février, il a créé 5 chantiers portant sur le financement des universités, la gouvernance des universités, le Conseil national des universités, l'offre de formation collégiale et l'aide financière aux études. En plus, M. Duchesne a mis sur pied un groupe de travail sur la recherche scientifique et un autre sur l'enseignement de l'histoire. Puis on est parti à un festival de court-métrage, on est allé voir un show de Manu Ménard, puis on fait plein d'affaires, Tout. Sauf consulter sur la charte, alors que c'est un enjeu social flagrant. Mais pour la charte, rien. Hein? Donc, le gouvernement n'a pas demandé d'études parce qu'il voulait déposer son projet de loi avant les prochaines élections. Et peut-être aussi parce qu'il ne voulait pas entendre ce que les experts ont à dire. Sûrement. Hein? Voilà. Au passage, on officialise aussi la tergiversation autour du crucifix au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Si ça continue, on va bientôt proposer une période de transition d'une durée imprécise au cours de laquelle on retirera la fameuse croix de la noble enceinte, mais seulement les jours pairs, sauf les jours fériés. Attends un peu, c'est pas comme arroser au gazon, ça? Oui, tout à fait. C'est... OK. Entre telle heure et telle heure, les jours pairs et bon. Les adresses voilà. D'un bord de la rue, ouais. Okay. Donc, question de s'habituer tranquillement à sa disparition. T'sais, on va l'enlever. Une garde partagée entre un musée puis le Salon Bleu pour un moment donné. Ah, il est plus là. Ça fait combien de temps déjà? Bon. Non, mais tu sais, tant qu'à faire compliqué, autant faire simple là, avec le gouvernement péquiste. Cette nouvelle mouture du projet de charte exclut aussi le droit de retrait des municipalités prévu initialement. On sait que Denis Coderre avait dit si je suis élu, on retire Montréal de. On utilise le droit de prérogative pour se retirer de la charte. Mmh. Et ils ne pourront plus le faire. Donc, Denis Coderre va bouder sur Twitter. Ce qui promet de créer une levée de bouclier dans tous les hôtels de ville de Montréal, surtout. Le gouvernement le sait, mais cela ne l'inquiète pas outre mesure. Puisque Denis Coderre, il est fort sur Twitter, mais sur le terrain, il est minoritaire. Faut pas l'oublier, hein? 30% qui s'est fait élire. Puis ça, Jean-François Lisée, qui est ministre de la Métropole, le sait. Donc c'est lui qui a le haut du pavé. Mais de toute façon, tous ces débats juridiques autour de la charte et ces questions sur son application sont superflus. Ce projet est un outil politique conçu pour ne pas être adopté. Ça ne veut pas dire que les auteurs n'y croient pas. Non, ça veut dire qu'ils savent que ça passera pas et que c'est parfait comme ça. Pourquoi? Nous parlons d'un projet de loi, mais en réalité, c'est un chapitre d'un programme électoral. Un programme assorti d'une pilule empoisonnée que le gouvernement administrera aux partis de l'opposition, en particulier aux libéraux, pour se faire défaire en chambre. Idéalement, avant le prochain budget. Parce qu'on va le répéter encore. On le dit pas assez souvent. 2 milliards de déficit cette année. Ouch. 2 milliards, c'est pas 3 cents, là. C'est 2 milliards. Et ça, le gouvernement ne veut pas aller devant l'électorat avec un déficit de 2 milliards parce qu'on va l'accuser de mauvais gestionnaire. Et ça... Parce que ce serait mérité, probablement. Oui. De 2 milliards, là, oui, l'économie va mal, mais on a fait des bons choix logiques. Hein. Pourquoi le gouvernement accepterait-il la position mitoyenne de la CAQ dans ce cas, alors qu'il cherche à faire ressortir ses divergences avec le Parti libéral? Je pose la question. En s'affiliant avec la CAQ, les gens vont dire, bon, on va continuer de voter pour la CAQ, c'est du pari au même, bonnet blanc. Tandis que là, si on accule au pied du mur la CAQ et le Parti libéral, les gens, les nationalistes vont dire, non, c'est le PQ qui a raison, c'est lui qui a la ligne dure, la CAQ, c'est juste des mous. Donc, c'est une stratégie électorale qui pourrait payer. C'est un pari. Le gouvernement sait que les médias vont continuer d'en parler abondamment et que le débat, déjà véhément depuis des mois, continuera de faire rage dans les chaumières, surtout dans le temps des fêtes, qui s'en vient à grands pas. Oh non, c'est vrai, ça va faire des chicanes de famille, ça. Eh oui, la daine est-elle ostentatoire? Oui. Ou ça fait partie du patrimoine? Allons dire... Ça veut dire que Pauline Marois est ostentatoire. Oups! Oups! Oups! En prime, le gouvernement Harper, le NPD, le PLC et les médias du Rest of Canada, le ROC, vont monter aux barricades pour défendre le multiculturalisme. Et on l'a vu cette semaine, un article écrit par un journaliste ontarien, Martin Patrickin, je ne sais plus trop quoi son nom, a écrit un éditorial dans le New York Times. C'est pas n'importe quel journal, c'est un des journaux les plus lus dans le monde. Donc, lui, ça va dire que le Québec ressemble étrangement... Là, je veux juste pas être mal cité. Mal cité, ouais. Étrangement, à quelque chose comme l'extrême droite. OK. Au moins, il a pas dit comme les nazis. Il a pas prononcé le mot. Ils ont le nazi facile au Canada. Là. Ah oui. Accusé de nazi. Donc, le gouvernement marois a dépensé à ce jour 1,2 million en publicité pour vendre son projet. On est en déficit de 2 milliards, je le répète. Mm-hmm. Et on dépense 1,2 million pour mousser la popularité d'une charte qui ne servira strictement à rien. Donc, c'est beaucoup d'argent pour une politique qui, de l'aveu même des membres influents de ce gouvernement, ne sera pas adoptée avant les prochaines élections. Et là, on avait prédit des élections pour le mois de décembre. Je me suis trompé, mais c'est pas moi qui s'est trompé, c'est le gouvernement qui a été pissou. OK. Toi, t'avais raison, dans le fond. Moi, j'avais raison, parce qu'il y a des élections quand même, mais partielles à Viau et Outremont le 9 décembre prochain. Et le gouvernement, qui a vu les sondages qu'on analysait ensemble, Mathieu, tu te souviens, le gouvernement passait pas la barre de la majorité. Mm-hmm. Donc, on dit, si on veut adopter notre fameuse charte, ça prend notre majorité, sinon, on passe pas. Ouais. Et si on attend le budget, on va se faire démolir. Donc, retardons le projet de loi de la charte. Faisons adopter ça en février. Faisons-nous battre en mars sur le projet de loi en tant que tel. En mars, déclenchement d'élection pour le mois d'avril. Okay. Donc, c'est déjà écrit dans le ciel que là, c'est vrai. Au mois d'avril, là, je mets ma main au feu. Là. Okay, okay. Là, aujourd'hui, là, t'enregistres ça. Là. Ouais, ouais. On est à l'élection au mois d'avril, au plus tard début mai. Avril, tout dépendamment des dates là, disponibles là, sur le calendrier de Pauline. Mais au mois d'avril, on s'en va en élection générale au Québec. Ça, c'est clair, net et certain. OK. Puis là, tout le monde va aller voter. C'est pas comme aux élections partielles où il y a juste des personnes, justement, qui partent des partiels qui vont voter. Exactement. Donc, élections là, c'est partielle. Ceux qui ont des perruques permanentes c'est qui ça. Vont ou qui se font des permanentes avec des bigoudis qui vont pouvoir y aller parce que c'est généralisé, donc c'est une élection vraiment plus gros. C'est pas toute la terre. C'est flagrant. C'est ça se voit, là. Exact. J'allais faire un jeu de mots. C'est pas toute la terre. Ça va être juste. Ça va être local. Partiel éther. Partiel éther. OK, mais, OK, ouais. Tu inclus le rejet aussi là-dedans, le ciel et la terre. Je sais pas, là. Non, ça se peut. J'essayais. T'sais. Yeah, tu dérapes comme la charte, là. Mais oui, mais c'est ça. C'est même pas drôle. Mais non, c'est ça. C'est comme, après ça, il va faire quoi des blagues, genre que la charte est vraiment un produit cheap, qu'il devrait vendre ça chez Radio Chat. Radio Chat. Radio Chat. Ça va, meilleur. Merci. Ouais, non, c'est là. Je vais en faire une sur Radio CAC tantôt, mais je ne savais pas comment la placer. Ça. Tu l'as déjà fait, celle-là. Ah, ouais, pour vrai? Ouais, ouais. Ah, là, je suis plus original. Non, là, tu commences à te faire vieux. Et maudit. Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais j'apprécie quand même ton travail, même si toi, tu n'apprécies pas le mien. Ah. Logocratie sort tous les jeudis à 8h30. Oui, monsieur. Tu avais terminé, je crois. Oui, j'ai terminé. Il y avait un point à la fin de ma phrase. Ah oui? Oui. Pas trois petits points comme non, la charte. Non, pas trois points, parce que là, c'est plus flou. On sait que c'est de la... La réponse, c'était donc mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, la charte? C'est un vrai film d'horreur qu'on connaît à la fin. C'est plate. On passe à autre chose. C'est juste plate. Bon. Ouais. Merci, François Landry. Fait plaisir, Mathieu Plante. Good. Donc, nous, on va continuer avec un petit peu de musique. J'ai préparé une pièce. Tantôt, tu as mentionné le mot, et vraiment, c'était de passage, et je peux même pas me rappeler c'était où dans ton texte, mais tu as mentionné le mot tergiverse. Donc, voici Peter. Peter. Et tergiverse. Oui, c'est bon, ça. À son âge requis. De feu font la guerre à mon estomac et des amis. Je n'en ai pas, je me redresse tout plein de maladresse. Avec douance, je sombre en défaillance. Je vais seul, je ne m'en plains pas et des amis. Je n'en veux pas, je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas, et mes pas, en effet, vont trop bas, et mes hauts ne vont jamais

Oui, un CID. Oui. Yeah. Quoi, t'as... Ben, c'est parce que je t'apprenais sur mon écran, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. C'est la vie, on va régler le truc ensuite. Pour boire, t'as pas besoin d'écran. Absolument dis pas. Dis-toi ça. Ah, puis avec on va oublier le problème. On va boire pour oublier le problème. Donc, comme je disais tantôt, exceptionnellement, aujourd'hui, on boit un cidre. Et c'est un cidre de la gang des Vergers de la Colline. Vous avez sûrement vu en magasin, il y a plusieurs magasins qui le tiennent sur leur tablette, bien sûr, à la barrique, ils l'ont. C'est la compagnie, on voit souvent, il y a juste écrit CID. T'sais, on sait cidre, c'est CIDRE. Eux, ils appellent leur boisson souvent le CID. Et puis, ils ont une panoplie de saveurs. Si on va sur le site internet des Vergers de la Colline, ils sont toutes là, sauf celles qu'on va boire aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, ils ont à peu près 10 genres. Il y en a aux canneberges, il y en a aux poires, il y en a des plus tranquilles, il y en a des beaux cidres de pommes, cidres de glace. Il y a beaucoup de produits. Aujourd'hui, on déguste un cidre traditional, un cidre bouché traditionnel. C'est le nom. On nous dit 2012. C'est un cidre qui est à quand même 7% de volume. 7%, c'est quand même bien. Et pour un cidre bouché, parce que je me suis informé sur qu'est-ce qu'un cidre bouché, j'ai mis l'information sur la page Facebook du Dîner de con. Un vrai cidre bouché, mettons, qui est classique, là, parce que les cidres, ça nous vient de la France à la base. Je suppose que vous saviez, là, mais ça vient de la France. Les premiers cidres ont été faits là. Nous aussi, au Québec, on a une grande tradition de cidre, même pendant la Prohibition. Nous, on n'a pas eu une vraie prohibition au Canada, quand même. On a toujours resté un peu, mais il y avait des ligues de tempérance dans les villes, les villages. Mais le cidre était toujours un peu mis à part pour nous laisser la chance d'avoir quelque chose à boire pareil. Et il a été comme oublié un peu par les lois. Donc, un cidre bouché, c'est au titre alcoolimétrique et volumique total qui doit être au minimum de 5,5. Donc, sa force, 5,5% d'alcool. Il est donc soit plus alcoolisé. Dans ce cas-là, c'est soit plus alcoolisé, soit plus sucré que le cidre normal. D'après ce que Xavier m'a dit, faut que je m'attende à pas avoir quelque chose de sucré. Je m'attends à quelque chose de sec! De sec. On pourrait dire de sexe, mais non, on est au sec. Donc, il est soit plus, comme je dis, sucré ou alcoolisé. Celui-là, plus alcoolisé. Il est conditionné en bouteille champenoise. C'est pas le cas sur lui, mais effectivement, il est conditionné en bouteille parce qu'il va subir une refermentation dans la bouteille. Il a été déjà fait en cuve et puis il va être fait. Et sinon... Eux autres, d'habitude, les Français nous disent qu'un cidre bouché doit être avec un bouchon de type champignon, comme un champagne, avec le truc en métal là, par-dessus qui vient tenu par un muselet. C'est le vrai terme. Moi, je disais le truc en métal. Donc, c'est un faux bouché. Oui, c'est un faux bouché. Donc, un cidre bouché développe aussi plus d'arômes qu'un cidre de table, puis il est généralement de meilleure qualité. Et puis, la force de ça, c'est qu'on peut la faire vieillir. Celle-là, sur la bouteille, juste pour vous dire, on vous dit que le vieillissement parfait est de 10 ans. Fait qu'aujourd'hui, on la boit, elle est un peu récente, disons. Si je vous envoie les infos, ben on va se le couler, puis je vais vous envoyer les infos, parce qu'il n'y a pas de Red Beer là, là-dessus. C'est pas une bière, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Aïe, aïe, elle me demande beaucoup de travail. Et Seigneur, elle est heureuse en plus. Très contente de me voir. Vraiment très, très contente. Elle m'a aspergé partout. Donc, je vous offre ça, monsieur. Et juste à l'odeur, je vois que c'est pas un cidre sucré, là, vraiment pas. On voit ça. J'ai la main tout collante. Mais c'est ça, hein, quand il y a trop de bonheur, on vient les mains collantes. Je vais te passer la bouteille si tu veux te finaliser ça un peu, parce que il me semble que je t'en ai pas mis beaucoup. J'en ai pas mal plus. C'est assez voilé, quand même. Oui, très voilé. D'habitude, c'est parce qu'il est sur lit, en plus. Hein? Mm-hmm. Xavier m'a dit, il n'y a pas de trouble, tu peux aller te la vidéo complète, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'au look, c'est moins raffiné, mettons, qu'un cidre tout, tout clair. Donc, à la tienne, Michel, on va essayer ça. Parfait. OK. On parle de fruits ici, hein? On parle de... Mais... Je pense que c'est sec. Il est pas sucré, non. Mais non. Par contre, comme tu dis, le fruit, la pomme, tous les parfums, l'arôme est là. C'est comme si on prendrait une pomme, enlever le sucré. Ouais. Parce que ça goûte littéralement la pomme. Je dirais même qu'il y a du melon là-dedans. T'as un peu, là, tu m'intrigues. Mais moi, au nez, Au nez, je sens beaucoup les céréales aussi. Je sais pas si... Tu sais, comme les levures, là. Ben, moi, ma copine boit, oui. boit du cidre. Oui. Puis, il y en a en commerce, il y en a toutes sortes. Oh, oui, toutes sortes. Il y en a tellement au Québec, on est quand même des bons producteurs. Exactement. Là. Puis, définitivement, c'est plus sucré que ça. Oui. Mais c'est plus foncé. C'est... Et puis, le... Mais ça, on goûte vraiment le fruit en premier. C'est comme si... C'est comme tu dis, ils ont tout enlevé le sucré de la pomme, mais ils ont laissé exactement le goût du fruit. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Puis c'est, on le découvre ensemble. Comme je vous dis, il n'y a pas personne qui nous dit quoi. La seule information, c'est que c'était sec. Xavier m'a dit, il m'a bien précisé à quelques reprises que c'était sec. Ben, j'avais un peu d'informations sur mon ordi, mais je n'ai plus d'ordi. Ah, fait que là, je suis d'une honnêteté totale. Ah, ben gars, moi sinon, t'avais-tu une information sur le verger de la pomme, de la colline? Oui, absolument. OK, ben sinon, j'ai lu le site d'en face ici. Ouais. Et ben c'est ça, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits chez les vergers de la colline, mais on n'a pas celui-là. Il y a le cidre original, entre autres. On a le cidre rosé avec un peu de framboise. Le cidre des connaisseurs, donc qui est un autre... Notre genre, un petit moelleux et gouléant. Il sort-tu occasionnellement, celui-là? C'est la première fois qu'ils le sortent, celui-là. Okay. Parce que d'habitude, c'est comme une série spéciale qu'ils ont sorti, puis c'est une nouvelle série. Justement, parce que d'habitude aussi, les cidres sont servis dans des bouteilles claires. Je ne sais pas si tu as remarqué, ben, c'est des bouteilles vertes. Ouais. Là, c'est vraiment servi comme une bière. Ouais. Puis moi, il y a un petit côté qui me fait penser un peu à la bière, c'est ça que je dis, le côté céréal, là, le petit côté levure. C'est peut-être à cause de la lie, justement, qui est restée dedans. Cette bière-là, comme je disais tantôt, on peut la faire vieillir 10 ans. Mais il y a quasiment une petite amertume, ce qui rappelle un peu la bière. Oui, hein? C'est ça, vraiment. Ouais. C'est pour ça que c'est un genre de mix entre les deux. Donc, on nous dit graffiti aromatique et classique. OK. Bouché, après un séjour en cuve, la fermentation est parachevée en bouteille et créée dans un esprit de dégustation. Il offre un goût franc, net, léger, sec et une finale persistante. C'est vrai. Puis on sent bien l'alcool. Moi, je trouve que ça réchauffe l'intérieur. Puis pourtant, c'est juste 7%. On a envie d'en boire. On a envie d'en boire. Il est très bon, hein, pour vrai. Et comme tu dis, il y en a beaucoup qui sont rebutés par les cidres parce qu'ils sont ou trop sucrés ou trop amers. Lui, rien de tel, ni trop sucré, il n'y en a pas presque de sucre. L'amertume est juste une petite pointe, comme tu disais. Puis c'est un petit peu liquoreux, mais quasiment pas comparé aux autres cidres. Puis pas, c'est con à dire, mais c'est pas si acide. Ouais. Tu sais, il y a des cidres là, que c'est bitter. Là. Oui, mais c'est pas acide, c'est sec. On a appris, hein, on a appris. il nous dit une finale persistante. Un rendez-vous marginal et audacieux, naturellement. Un produit de garde unique en son genre. Bien sûr, avec 10 ans de possibilité de faire vieillir le truc. Pas la microbrasserie, mais le verger, finalement, est situé à Sainte-Cécile de Milton, bien sûr, au Québec. Ça doit être dans le canton de l'Est. Oui, on emploie la McIntosh comme pomme, la Pinova, la Gala, la Fuji, la Golden Russet puis la Honey Crisp. On a tout un mélange de pommes là-dedans, là, quand même. On nous dit, justement, l'idéal est à 12 degrés. Elle est pas mal à une bonne température. Je sais pas ce que t'en penses. 12 degrés. Puis le pourcentage d'alcool, c'est 7 juste. Donc, c'est pas mal, ça. Moi, je vais m'envoyer une autre gorgée, là, parce que je trouve ça bien intéressant. Mais là, est-ce qu'il le distribue ailleurs que dans notre magasin préféré? Je le sais pas. Moi, sérieux, d'après moi, il doit pas en avoir partout. Ouais, c'est ça. Mais parce que surtout pas des grandes épiceries. Les grandes épiceries, comme je te disais, il y a une sorte. Il y a une sorte. Mais encore là, gars, ici, là, c'est ça, t'as pas ton ordi, là. Mais si tu veux te lever une seconde où je te passe ça, gars, cette compagnie-là, c'est sûr que t'as déjà vu ça dans les épiceries, là, quelque part. Moi, en tout cas, j'en ai vu dans certains dépanneurs qui sont quand même assez bien équipés. Là. Mais le cidre, il y a certaines épiceries qui en ont beaucoup. Il y en a d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Mais la barrique, as-tu pas mal toutes les sortes? Ils ont toute cette compagnie-là. Ouais, en tout cas, ça, c'est sûr. Ils ont autant les celles à la framboise, les licoreux, tout ça. Et puis celui-là, ben, il est assis avec les bières. Il n'est pas assis avec les cidres. Vraiment, il est installé, oui, avec les bières, ce cidre. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant. C'est vraiment une découverte pour ma part, parce que moi, je bois beaucoup de cidre, j'aime ça. Et puis ça se détaille combien, ça, tu sais-tu? Ça doit être, je sais pas, ça doit être, je sais pas en tout, pour 5 piastres, je sais pas. Je sais pas. Mais l'idéal, c'est d'aller où? À la barrique. Ben oui, aller jaser avec Xavier. Ben oui, ça va être le fun. Et puis, il va être bien content juste d'avoir un feedback. Parce qu'il aime ça. Il y a souvent des gens qui se présentent à la barrique et qui disent « Hey, on a entendu une chronique à la radio. » Fait que ça, c'est le fun. C'est un vrai feedback pour ben le moi, commerçant. Pour ma copine qui boit uniquement du cidre ces derniers temps, je vais aller faire un tour puis je vais aller voir parce qu'il doit y avoir d'autres sortes aussi. Ils ont toute la gamme ici. Mais d'autres sortes de cidre dans d'autres marques. Ouais, sûrement. Parce que, mais je sais que cette gamme-là, ils l'ont complet, là, ceux des vergers de la colline. Okay. Qu'est-ce qui est bon avec le cidre, c'est le fameux Black Velvet. Je sais pas si tu connais le Black Velvet. C'est de se prendre une bonne... et on va pas avec des grosses bières noires. On va avec une Guinness, qui est une bière noire, mais à 4,4%. Et on mélange, oui, ah, exactement. Oui. Ça, par contre, j'aime bien quand le cidre est un peu plus sucré pour le Black Velvet, parce que t'as un mix entre ta stout... L'amertume, ouais. Exactement. Et puis, ce qui est beau, c'est que ça te fait vraiment une coupure, parce que la Guinness, justement, même en canette, il y a de l'azote dedans. Uh-huh. Donc, tu coules ton cidre, ensuite, tu prends une cuillère, puis tu verses dans la cuillère pour pas que ça vienne trop déranger le cidre. Et puis, ça va te faire vraiment un beau verre à deux couleurs, black puis transparent en bas. C'est bon, puis ça goûte l'Irlande. Bon! C'est vraiment le bonheur. Et si donc, t'en prends 3-4, tu sens en Irlande. Tu sens comme un Irlandais sous. Ou fou, juste comme vous voulez. Mais donc, moi, mon verdict est bien intéressant. Absolument. Mais les saveurs sont très subtiles. J'aime oui. ça, moi. Ben c'est ça, c'est pas une affaire qui... Comme je dis, c'est pas du jus là, trop sucré. Puis c'est pas non plus une affaire parce que les lèvres de te rentrer par en dedans là, est très, très, très bien équilibré. Et puis effectivement, à faire vieillir, j'aimerais bien découvrir un truc comme ça qui aurait 4-5 ans. Là, les saveurs se développeraient. Là. Vraiment plus ronde encore. Ouais. Ici, là, si tu veux là, te le couler, il reste un petit fond. Je pense que je vais le prendre, ce coup-ci. Ben, c'est ça que je te dis. D'habitude, tu me laisses tout le temps un peu plus de jus. Et celle-là est vraiment bonne, cette petite... je m'en ai dit cette petite bière, mais ce petit breuvage. Bien intéressant. Donc, ben, c'est pas mal ça qui fait le tour de notre petite chronique. Tu as quelque chose à ajouter, toi? Ah, rien, c'est je vais boire. Je vais le boire. Vraiment, ma gueule m'a boire. Tantôt, qui est-ce que tu reçois? On reçoit Fontaine le Riche pour son exposition Toutou. OK. Qui se termine aujourd'hui. Ça va être la dernière chance d'aller voir. Il y a un 5 à 7 de prévu pour ce soir. OK. Ce soir. Je manque de souffle. Ça va être le 5 à 7. Il est déjà commencé. Donc, sur ça, ben tiens, on va aller peut-être en musique. Ce serait une bonne chose. Nous autres, on va aller boire un petit peu le reste de notre cidre. Et puis, on s'envoie du Kazébien. Excellente formation. Vous allez voir. Ben, vous connaissez déjà peut-être. On va aller écouter la pièce Days Are Forgotten. On s'en va tout de suite avant ben, de recevoir Fontaine et puis de continuer notre show. On va avoir tes petites. Oups, hein? On va avoir tes petites chroniques, ta chronique culturelle. On aussi. A bien aimé ça. Oui, exact. On l'a vu vite. et on a oublié de parler bien pétillant. Oui. Depuis tantôt qu'il est sur la table, puis il continue de buller comme un petit champagne. Aucune mousse, évidemment. Aucune mousse, tout à fait. Donc, on écoute Days Are Forgotten pendant que Michel et moi, on boit notre cidre. top 10 des meilleurs jeux d'alcool pour toi. Ah oui, oui, toi, au fond, là-bas, là. Donc, on y va avec ce top 10 des meilleurs jeux d'alcool. Hein, si vous êtes tanné de boire pour rien, puis juste boire sans raison, eh bien, pourquoi pas de mettre ça, justement, de façon un peu plus ludique. On commence ce top avec le jeu de la bouteille. C'est une alternative alcoolique de l'enfantin homonyme jeu de la bouteille, où il était question de petits bisous, hein, avec ou sans la langue, avec les mains, en fonction de l'âge où vous y jouiez. Hein. Les règles ici sont limpides. Les joueurs s'assoient en cercle, placent au milieu de ce cercle une bouteille pleine d'alcool, plus ou moins comestible. L'un après l'autre, les joueurs font tourner l'objet de toutes les attentions. Et l'heureux ou la malheureuse personne pointée par le goulot de la bouteille, lorsqu'elle a cessé de tourner, se doit de faire honneur à la boisson en question ou même d'en boire un shooter Q-sex. La passionnante partie s'arrête lorsque la bouteille est vide ou lorsque vous tombez dans le coma. On peut jouer aussi avec une bouteille vide et préparer une série de shooters, une petite alternative au jeu. Sinon, le « je n'ai jamais ». Le premier joueur doit se balancer une vérité. Le jeu s'appelle ça « Je n'ai jamais ». Donc, le premier joueur doit se balancer une vérité, une véritable vérité, tant qu'à faire. Sur son compte, en commençant par la phrase « Je n'ai jamais, par exemple, je n'ai jamais couché avec ma mère ». S'il se trouve que l'un des joueurs a déjà couché avec sa mère, il se doit de boire un verre. C'est très simple, ça marche aussi avec tout ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous avez envie de savoir sur vos amis alcooliques. Donc, je n'ai jamais dissimulé un cadavre dans le fleuve Saint-Laurent. Ou je n'ai jamais truqué des élections de délégués de classe. Ou je n'ai jamais mutilé un petit chat. Ou je n'ai jamais abusé sexuellement des êtres qui me sont inférieurs psychologiquement. Imaginez, vous pouvez sortir ben des âneries. Sinon, le troisième jeu de boisson que je vous propose, celui-là, il est très, très bien, c'est le Picole Schtroumpf. Eh bien oui, schtroumpfez-vous un épisode des Schtroumpfs, schtroumpfez des verres de Schtroumpf bien remplis, et dès que le mot Schtroumpf est prononcé par un Schtroumpf, schtroumpfez une gorgée de votre verre de Schtroumpf, et puis recommencez jusqu'à ce que mort sans Schtroumpf. Bon, moi j'arrête, je suis déjà schtroumpfé. Vous avez compris le principe, à chaque fois qu'on dit « schtroumpf », oups, on s'envoie une gorgée. Le fameux « beer pong », le « bière pong », si vous aimez mieux. Deux équipes s'affrontent, chacune d'elles, d'un côté de la table, devant elle, une rangée de 6 à 10 gobelets, à moitié remplis d'une bière bon marché, et même organisée en triangle. Le but du jeu, eh bien, rien de compliqué, parvenir à faire rentrer des balles de ping-pong dans des gobelets des joueurs adverses. Et bien sûr, le but, finir bourré. Vous êtes en train de réussir votre vie, sans aucun doute là-dessus, c'est pour ça qu'on le fait à l'université. Hein? Le fameux beer pong. Sinon, le jeu du 51. 2 dés, une main qui les lance, 3 essais pour ne pas faire 5 et 1. Si toutefois, vous les faites, vous buvez votre verre Q-sec. 10 minutes de jeu et vous êtes complètement ivre. Très bien, le 51. Sinon, la biche qui vole. Munissez-vous d'un paquet de cigarettes vides ainsi que d'une table. Embarquez un copain avec vous et positionnez le paquet sur le bord d'une table et tentez de réaliser une pichenette à l'aide de votre pouce. Si vous réussissez, l'autre boit. Et vous pouvez également essayer avec une biche, mais vous risquez de boire un peu moins. Donc, on fait tourner le paquet, il faut qu'il retombe sur la tranche. Moi, c'était ce que j'avais vu d'habitude. On doit faire remarquer ici qu'on parle de version française de nos jeux de boissons. Sinon, le 7e jeu à boire, eh bien, le cap. Prenez une bière ouverte, positionnez sa capsule initiale au sommet du goulot, puis vissez cette capsule avec une autre capsule afin de la faire viser. Pardon. Ça, on l'a déjà fait, c'est très, très le fun. T'essayes de viser le cap, la capsule de l'autre et de la faire tomber. Si vous parvenez, eh bien, c'est l'autre qui boit une gorgée. Si c'est l'autre qui fait tomber votre cap, eh bien, c'est vous qui buvez. C'est assez simple et ça fonctionne. Sinon, le 8e jeu à boire, eh bien, l'extrême bière. Qui c'est qui paye la prochaine tournée afin de trouver une solution convenable à cette interrogation existentielle? Munissez-vous d'un chronomètre et de quelques verres, bouteilles, pichets de bière et autres et convenez avec votre joyeuse bande d'amis d'un temps imparti durant lesquels vous devez ingurgiter le plus de bière possible au sein de votre gorge, pourtant pas forcément asséchée. Celui qui aura le bu le moins sera chargé de payer la prochaine tournée. Hein? À chaque problème, sa solution. Moi, celle-là, je la trouve très, très bonne. Donc, celui qui boit le moins, c'est lui qu'il faut qu'il paye. Hein? C'est une très bonne idée. Les gens se forcent dans ce temps-là. Sinon, le neuvième jeu à boire, eh bien, c'est la chansonnette. D'abord, désigner un meneur qui devra commencer donc une chanson que tout le monde est censé à peu près connaître. Chaque joueur devra alors, à son tour, répéter les paroles de cette chanson. Et lorsque le tour du meneur revient, celui-ci doit poursuivre la chanson et les joueurs la répéter depuis le début. Chaque erreur de parole équivaut à une gorgée et plus si affinité. Et puis, dernier jeu à boire, eh bien, je vous parle du petit Grégory. Petit Grégory Charles, je ne sais pas. Donc, âme et gorge sensibles, s'abstenir. Munissez-vous de verres remplis de gin et de tonique. Humectez dans ces verres soigneusement dosés une olive, accrochée par un petit bout de ficelle à un morceau de sucre. Le tout doit être lâché par tous les joueurs au même moment. Celui qui a perdu devra donc payer sa tournée. Le joueur qui verra son olive remonter en première une fois que le sucre sera désintégré dans le verre d'alcool, métamorphiquement, c'est le petit Grégory qui remonte à la surface car son bourreau l'aura trop mal lesté. Rémi, tu l'as drôlement bien ficelé, ton petit Grégory. Donc, oui, on peut comprendre. À savoir si on a le goût de le faire, ben là, c'est à savoir. Hein? Sinon, ben peut-être que votre week-end va être plus intéressant que vous l'envisagiez. Ici, très, très bien. Vous allez voir le titre. C'est quand même assez extraordinaire, oui. C'est en Chine, il offre 102 kilos, ce qui est quand même beaucoup, de billets de banque à sa future épouse. Oh! C'est un fiancé chinois qui a offert à sa future épouse 8,88 millions de yuan, ce qui équivaut à environ 1 500 000 $ en billets de banque. Un affichage d'argent jugé extravagant, je dis, par les internautes dans un pays où les inégalités sociales restent quand même assez fortes. Ce colossal volume d'argent liquide transporté jusqu'au domicile de la promise par moins de 18 personnes pesait au total plus de 102 kilos. Les paniers de bambou remplis jusqu'à rabord de liasses de billets de 100 yuan de couleur rouge et abordant le portrait de Mao Zedong ont été livrés par un groupe de proches du fiancé à bord d'une série de voitures de luxe. Même il y en avait une, c'était une Maserati. Selon le quotidien, les deux jeunes gens qui ont commencé à se fréquenter il y a seulement 3 mois, OK, puis ils décident de se marier, sont issus de familles riches du Zhejiang Est, une région où se perpétue par endroits la tradition de fastueux cadeaux de fiançailles. Les deux familles, portant tous les deux le nom de Yuan, ont décidé que le montant offert à la future épouse équivaudrait à 7-8 consécutifs, quelques 8888 yuan, un chiffre jugé en Chine de bon augure et significatif de fortune. Il ne s'agit plus d'épouser une femme, mais carrément d'en acheter une. Si ces deux-là s'aiment véritablement, il n'y aurait pas besoin d'une telle extravagance, s'est indigné un usager du réseau social Weibo, qui est l'équivalent chinois de Twitter, et je partage la même chose que lui. Si t'es obligé de payer ta blonde, je pense que c'est pas ta blonde. Tu te l'achètes. Un mariage basé sur l'argent peut-il être si durable, s'interrogeait un autre. Les mœurs des Chinois fortunés, accusés d'être déconnectés de la réalité et de bénéficier de nombreux passe-droits, sont régulièrement discutés et pointés du doigt par les internautes. Eh bien, les internautes font bien parce que c'est vrai. En Chine et puis dans les pays d'Asie, il y a tellement des inégalités incroyables. Ici aussi, mais c'est tellement plus flagrant là-bas. Il faut vraiment être inconscient pour faire des choses du genre, et il faut vraiment se la péter puis se prendre pour d'autres. Moi, je trouve que c'est ça. Ici, il y en a un autre, il y en a un qui se prend vraiment pas pour d'autres, mais qui est vraiment mature pour son âge. Vous allez voir, à 15 ans, un jeune homme part vivre seul en Inde pour devenir moine. Donc, alors que les garçons de son âge jouent au foot et aux jeux vidéo, cet habitant de Saint-Laurent, près de Bruges, en Belgique, a décidé de tout plaquer pour suivre les enseignements spirituels de Bouddha et du Dalai Lama. Donc, l'adolescent aux cheveux rasés vient d'obtenir l'aval de la justice belge, qui s'est dans un premier temps opposé à son départ, initialement prévu en septembre dernier. Les magistrats estimaient qu'il n'avait pas la maturité nécessaire pour prendre une telle décision. C'est un rêve qui devient réalité, a-t-il déclaré à l'aéroport de Bruxelles juste avant s'envoler. Le jeune homme s'installera dans un monastère situé à 4200 mètres d'altitude près de la frontière tibétaine et prévoit y rester pendant au moins 15 ans. Une fois arrivé là, il changera d'identité pour s'appeler Lobsang Nemia. Je partagerai une chambre avec 4 autres moines et je me concentrerai sur les études de la philosophie bouddhiste ainsi que sur l'apprentissage de la langue tibétaine. Étrangement, Guyel, c'est son nom, n'a pas eu à batailler ferme pour convaincre sa mère et pour cause, c'est elle-même qui l'a initié au bouddhisme. Il emportera néanmoins une tablette avec lui afin de pouvoir communiquer avec elle et ne pas être coupé cas totalement du monde et non plus surtout ne pas avoir totalement coupé le cordon avec maman. Donc, il veut devenir un grand sage, ce jeune Belge. Il est parti pour l'Inde mercredi dernier. Assez particulier quand même. Hein? Il y a à 15 ans, il y en a qui s'en vont pour faire le party à 15 ans. Lui, il s'en va pour devenir une meilleure personne. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.